Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, bienvenue sur Démocratie Participative, notre émission hebdomadaire, et c'est la saison 1, épisode numéro 25. Merci à tous nos auditeurs de nous retrouver cette semaine encore, et aux nouveaux auditeurs qui nous découvrent, éventuellement. Nous sommes en partenariat avec TRS, Right Stuff, donc l'alt-right américaine, et les émissions radio de l'alt-right américaine exactement, vous pouvez les suivre sur therightstuff.biz. D'entrée de jeu, je vais vous proposer de nous écrire, si vous le désirez, à notre boîte email. C'est démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@mail.ru. Démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@mail.ru. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, vous vous abonnez. Vous cliquez juste en dessous de la vidéo s'abonner, comme ça vous recevrez les alertes pour nos nouvelles émissions. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, où c'est la même chose, vous recevez nos nouvelles émissions, et sur SoundCloud, qui est une plateforme audio, où nous mettons donc les émissions en ligne, en général en premier d'ailleurs. Alors, je vais présenter nos participants de la semaine, parce que cette émission risque d'être animée, je présume. Et tout de suite, Derek, comment va ? Ouais, fidèle au poste. Très bien, bonne semaine, bien chargée. Ouais, chargée, ouais, effectivement, très très chargée. Frédéric dans l'évier, oh là là, mon Dieu, quel succès cette semaine, quel succès. Une étoile naissante. Oui, ah, oui, oui, alors salut à tous, c'est Frédéric dans l'évier. Et bah écoutez, cette semaine, c'est un peu ambiance testo, ambiance virile, hein, loin des joutes verbales stériles à la française. Donc voilà, je suis prêt, il n'y a pas de problème, à l'attaque. Formidable, ça lève de la fonte, etc. Ah bah comme d'habitude, mais loin des nègres, hein, bien sûr. D'accord. Et Fulbert, le plus belge des nationaux-socialistes ou inversement ? Oui, non, c'est bien exprimé. Bonjour à tous. Ça va, Fulbert ? Fulbert va bien, merci. Surtout depuis que j'ai fait mon pèlerinage au Auschwitz. Je me sens beaucoup mieux, plus léger. Voilà, je suis bien. D'accord, Fulbert. Et MacDav, salut MacDav. Bonsoir à tous, chers amis. Ça va, MacDav ? Ça va, ça gaze. D'accord. Alors, cette émission, on sera rejoint dans la deuxième partie de l'émission par Astérix. Comment dirais-je, parce que la partie va particulièrement l'intéresser, et il va être bon, je crois, il va être pas mal sur cette deuxième partie qui sera consacrée à l'Algarade, Dixit Alain Soral, avec Daniel Conversano, le youtubeur identitaire. On va y revenir sur là-dessus en détail. Alors, rubrique numéro 1, autisme radical, évidemment, elle est très prisée cette rubrique. Et sans transition, sujet numéro 1, j'ai découvert ça cette semaine, j'avais des étoiles dans les yeux. Le Pakistan, premier consommateur mondial de porno gay. C'était une spécialité méconnue de ce merveilleux pays. D'après une carte réalisée sur la base de données internet publiée dans le journal britannique The Daily Mail, le Pakistan est le premier pays consommateur de pornographie homosexuelle de la planète. Ce pays musulman, donc, je le rappelle, fait 182 millions d'habitants, et c'est une puissance nucléaire, et il est connu aussi pour son soutien indéfectible à la nébuleuse djihadiste internationale. Alors, bon, on va pas y passer 1000 ans sur le sujet, mais enfin, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, ce Pakistan qui en fait, passe sa vie sur le net à consommer de la pornographie homo. Alors, ils ont quand même plus de... Comment dire, plus de tenues que leurs voisins d'Afghanistan, hein, qui eux consomment des petits enfants. Donc, ah oui, les bâches à base, on en a parlé à l'occasion des attentats d'Orlando. Mais c'est, voilà, bon, c'est le même topo, quoi. Hein, les civilisations musulmanes, soi-disant ultra viriles et compagnie. Et ça finit, voilà, ça finit en gros caca. Ça finit en partous gays, quoi. Voilà. En pot de Macédoine. Ouais, et comment dire. Faut savoir que le Pakistan est un des pays qui a le plus haut de taux de consanguinité au monde. Hein. C'est massif. Hein. C'est-à-dire consanguinité et endogamie, c'est-à-dire mariage au sein de du premier cercle familial entre cousins germains, premier degré. Donc ça, c'est très élevé là-bas, en Afghanistan aussi. Et ils le pratiquent depuis très très longtemps, n'est-ce pas? Donc imaginez ce que ça donne en termes de dégâts génétiques sur les connexions cérébrales, ça doit être assez impressionnant. Et donc, en plus de ça, ils répriment très fortement les femmes, hein, qui sont complètement effacées dans la société. Alors, faut pas s'étonner que quand on bâche les femmes des pieds à la tête, bah, les jeunes mâles en manque, se démerdent entre eux pour compenser, quoi. Il y a une logique, hein, dans la magie musulmique, il y a une cohérence, quoi. Donc voilà. Alors, Pakistan, donc les sociétés très traditionnelles, très patriarcales, hein, l'islam patriarcal. On va être sauvé par l'islam, non? Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Je pense que en plus ça peut se joindre, si tu veux, à toute la mouvance pro-gay, etc. Je pense qu'on peut avoir un islam tolérant, un islam ouvert au progrès social, au progrès sociétal. Il n'y a pas de problème. Donc musulmans, gays, pédophiles, zoophiles même, on peut tout faire, il n'y a pas de problème. Ouais, donc, vas-y. Tout ça est très compatible avec la droite des valeurs chère à l'islamophile, le gourou chaud, spécialiste des canapés rouges. Et le Pakistan, c'est, je crois, le pays des hommes purs. Effectivement, ils sont très purs, du moins dans la perversion. Et apparemment, ils ne sont pas les seuls, hein, parce que les 5 pays les plus consommateurs de porno et de porno gay sont, je vous donne en 1000, le Pakistan, l'Égypte, le Vietnam, l'Iran et le Maroc. Qu'est-ce que vient faire le Vietnam là-dedans? C'est une tyrannie communiste, je ne sais pas. Ah, d'accord. Mais il y a quand même... tu as parlé d'inceste là et donc d'homosexualité chez les amis pakistanais. Hein. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut trouver chez leurs pires ennemis, hein, d'après eux, en tout cas les Israéliens, les Juifs en général. Hein. L'inceste est très présent chez eux, on le sait. Et la propagande homosexualiste a été portée à. Hein, de toute manière très, très forte. Ouais, alors en Amérique, c'est vrai que c'est effectivement les activistes pour la libéralisation... En Europe aussi. Ouais, en tout cas en Amérique, c'est vrai qu'il y a eu parmi les activistes, il y avait beaucoup d'activistes homosexuels juifs, etc. Bah, d'ailleurs en Israël, la Gay Pride, c'est la plus grande du monde. Hein. Voilà. Me semble-t-il, hein, donc peut-être avec San Francisco... Y aurait-il un rapport avec le sémitisme? Je n'en sais rien, c'est vrai que j'ai jamais creusé cette question-là. Bon, bah très bien, on va continuer sur notre sujet numéro 2 de la semaine, de cette section autisme radical. On va quitter donc les confins pakistanais, bien qu'on aurait aimé y passer un peu plus de temps, pour nous rediriger vers la France. Sujet numéro 2, qui concerne, alors vous savez, il y a eu un reportage qui... Et suite aux propos d'une secrétaire d'État française sur les difficultés grandissantes pour les femmes de se rendre dans certaines zones du territoire, en raison de la présence des musulmans, hein, tout simplement, hein, y a eu une réaction sur la télévision d'État. Donc c'est Maurice Safran. Alors Maurice Safran, c'est un Suédois, non? Ah oui, effectivement. C'est un journaliste, ancien journaliste de Marianne. Et alors, voici ce qu'il déclare. Dans les cafés en Corse, les femmes sont aussi mal accueillies que dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis. Alors, il y a une vidéo, on va passer l'extrait. Voilà, comme ça, nos auditeurs vont pouvoir juger sur pièce. Je sais que je vais me faire agonir ce soir, mais il y a une île, tout ce qu'il y a de plus française... où dans les cafés, les femmes aussi sont mal accueillies. Donc essayons de regarder le problème dans son entièreté. Il n'y a pas que dans le 93. Justement, dans quelle mesure ça existe ailleurs, selon vous ? Il n'y a pas que dans le 93 où les femmes sont mal accueillies ou pas accueillies dans les bars et dans les cafés. Ça existe aussi en province, parce que vous parlez de la Corse. C'est au sud, c'est ça ? Oui, c'est une île qui est un peu au sud. Donc voilà, donc après un reportage filmé en caméra cachée diffusé sur France 2 cette semaine, où l'on peut voir donc deux femmes mal accueillies dans les cafés de la Seine-Saint-Denis, l'émission Le Grand Journal a souhaité revenir sur les faits avec ses invités Natacha Polony et Maurice Safran. Bon, Maurice Safran, vous l'avez écouté, il s'est exprimé en direct sur le sujet. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie de Maurice à propos de la Corse qui serait finalement peu ou prou, qui évoluerait peu ou prou au même rythme que la Seine-Saint-Denis, puis il n'y aurait pas de quoi s'alarmer. Tu veux dire Maurice, ça, hein. Maurice. C'est ça, hein. Non mais oui. Maurice, oui, alors, oui. Maurice, il est... Nous invitons régulièrement nos auditeurs à taper dans Google Images pour regarder un petit peu les spécimens auxquels on a affaire. Allez-y, tapez dans Google Images Maurice Safran. Soyez bien assis, hein, vous risquez d'avoir un malaise. Il était abominablement laid. Hein, c'est une erreur de la nature. Voilà, donc une fois que ceci. On appelle ça ethnologie participative. Voilà, oui, l'ethnie putain, hein, comme certains s'amusaient à l'appeler. Non, mais alors l'analogie là, avec la Corse, là, je veux dire. Ouais, les Corses vont apprécier et on attend avec impatience que Maurice Safran croise des amis corses comme ça au hasard de ses déambulations pour leur expliquer tout le. Qui sont musulmans, hein, ça va pas bien sûr. C'est le sentiment, tu vois. Ouais, non, mais je pense qu'il est là, il est interdit de séjour. Hein. Ou alors, s'il veut y aller, tant pis pour lui. Hein. Voilà. C'est... Vu qu'en plus il a une tête reconnaissable, bon ben voilà. Désolé. Ouais, mais de toute façon, je pense que ce spécimen-là, il doit passer plutôt ses vacances à Marrakech. Hein. Je le vois pas aller en Corse. Ça a peut-être un rapport avec les statistiques qu'on a vues tout à l'heure, hein. C'est possible. Effectivement, faudrait creuser. En tout cas, il a un nez fort, fort, fort douteux. Donc voilà, la Corse assimilée sur la télévision d'État française à la Seine-Saint-Denis quant à ses mœurs islamiques. Voilà, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. C'est carrément dire que les Corses sont des sauvages. C'est une putain d'insulte à tous les Corses, quoi. Donc, c'est pas une histoire de musulmans, les 93. On a vu ce que sont les vidéos là qui sont sorties. Et tu vois, le mec ose dire que ça se passe en Corse, c'est proprement scandaleux. Effectivement. Quelqu'un veut réagir d'autre sur cette sortie très heureuse de notre ami Zafran ? Non ? MacDav Bah écoute, moi j'invite Maurice Zafran à aller dans certains quartiers, certains cafés de la France musulmane, heureuse, tolérante et bienveillante, très réconciliatrice. Et puis de se poser là avec son nez de loutre qui ressemble à une sorte de concombre défraîchi, enfin c'est vraiment ignoble. Et il fera pas 5 minutes, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que ce genre de sale loutre est totalement incapable de faire la distinction entre la tenue corse qui effectivement c'est quand même les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes en Corse, contrairement dans. C'est-à-dire que c'est normal, quoi, en fait. Ouais, bah ça change du marais. Ça change du marais, ça change des plateaux de télé où se trouvent uniquement des nègres, des gauchistes, des loutres et des pédales, des transgenres. Lui, il ne comprend pas. Il est en terre étrangère, avec des gens qui sont d'une autre espèce. Immersion, donc la France profonde. Bon, d'accord, bah écoutez, le 93. Voilà. Vous avez regardé ce reportage, vous avez passé un petit peu de temps, ça dure 6 minutes, c'est passé sur France 2, vous avez jeté un œil là-dessus, sur ce truc-là, l'orientalisation ou l'alalisation de la banlieue parisienne, ça vous avez regardé, non ? Oui, j'ai regardé, c'est passé sur France 2 en plus, donc c'est quand même sur les grands médias. Mais on n'apprend rien, en fait. C'est un fait connu. Ah, le populo, attention, il y a plein de gens qui vivent dans la Cambrousse ou dans des régions un peu reculées, tu vois. Eux, ils sont pas au courant de tout ça. Hein. Ben oui, oui, t'as des millions de Français, là, ils se disent, putain, la planète des singes, c'est là, quoi. Ouais. Ils ont pas l'impression, si tu veux, que en fait, bah, il y a les charmes du Pakistan, portent la chapelle, tu vois, ils sont pas forcément au courant, tu vois. Ouais, mais tu sais, d'ailleurs, il y a un lien entre le premier sujet et celui dont on est en train de parler. C'est-à-dire que, bon, c'est un truc que tous les cafetiers connaissent. Quand tu veux faire du chiffre, il faut éviter d'avoir des bounous qui consomment des cafés. Généralement, assez peu, hein. C'est un café par heure en terrasse. Premièrement, parce que ça peut fuir la clientèle. Et deuxièmement, parce que c'est la mort, en fait. Hein, parce que ces gens consomment très très peu. Et dans toutes les cités françaises, t'as un café où les mecs sont entre eux. Ils sont vraiment entre hommes. Je sais pas ce qu'ils font. Je suis pas persuadé qu'ils passent leur temps à refaire le monde. Hein. Ils aiment le contact masculin. Et puis, ils se boivent des thés à la menthe. Quoi. Ils font que ça. Oh, mais ils jouent au PMU aussi. Hein, faut le dire. Ouais, ils jouent au tiercé. Ah, enfin, ça, bon, alors, comme ils peuvent. Hein. C'est leur passion. Quoi. Bah, je croyais que c'était pas rare, les jeux de hasard. Ah ouais, alors, c'est comme l'homosexualité, comme plein d'autres choses. Tu sais, qui n'a jamais vu des Algériens complètement torchés? Ah oui, si, si. Ouais, ouais, non, mais moi, attends, moi j'ai eu des expériences là près de cafés, de gares, dont je ne citerai pas les villes par patriotisme. Hein. Eh ben, je peux vous dire que c'était le Moyen-Orient ou Bamako. Hein. Alors évidemment, moi. Je vais pas dire ce que je disais en public, etc., parce que voilà, mais ça défrisait bien. Hein. Je faisais peur aux nègres, hein. je le précise. Et juste comme ça, juste à me voir, je faisais peur. J'étais le seul blanc. Et en fait, rien que de voir un blanc assez fou pour foutre son nez là-dedans, ils disaient déjà celui-là, il est pas comme les autres. Hein. Enfin bon. Très bien, voilà, pour ceux qui veulent regarder, c'est disponible sur internet, hein, je vous invite à regarder ce petit reportage de 6 minutes, qui en dit long, c'est de l'ethnologie aussi, hein, on découvre les nouveaux français et leurs apports culturels à l'enrichissement donc de la France, je trouve ça positif. Alors, sujet numéro 3. Alors là, c'est un télescopage de deux faits divers et avariés, j'ai envie de dire, qui sont liés à l'actualité judiciaire. Le premier, 10 ans de prison pour le buraliste du Tarn qui avait tué un cambrioleur, on va revenir sur l'affaire, d'une part, et 24 mois pour le Somalien ayant violé 15 fois sa belle-fille de 12 ans, et ça c'était à Lyon. Alors, je reviens sur la première. Peine alourdie, donc ça c'est la presse qui le dit, peine alourdie pour Luc Fournier, le buraliste du Tarn qui avait tué un cambrioleur de 17 ans. Il a été condamné vendredi en appel à Toulouse à 10 ans de prison, soit 3 ans de plus qu'en première instance par la cour d'assises de Haute-Garonne. Dans son verdict, la cour a écarté la légitime défense, jugeant qu'il y avait une totale disproportion dans la riposte de Luc Fournier, avec notamment la mise en place au cours des jours précédents d'un, et là il cite... comme le compte rendu de la condamnation, un stratagème afin de pouvoir tirer sur des intrus qui entreraient. C'est vrai que ça, c'est faut être fou pour vouloir neutraliser des gens qui veulent pénétrer chez vous par effraction. C'est complètement fou. Alors j'en viens à mon Somalien, lui aussi futur ou déjà français. Enfin, s'ils disent que c'est un Somalien, c'est futur Montaigne. Hein, attention. Voilà, oui, un futur Montaigne, voilà, qui est venu lui aussi apporter sa pierre à la culture française grâce à François Hollande. Alors, un Somalien musulman condamné à 2 ans de tôle, donc pour 15 viols sur sa belle-fille de 12 ans. Je cite la presse. Ça, c'est Valeurs Actuelles qui le cite. Seulement 24 mois de prison et 9500 euros dommages et intérêts pour cet homme. Ce ressortissant somalien âgé de 32 ans a été condamné mardi dernier à cette peine pour avoir sodomisé à 15 reprises sa belle-fille. Dans le courant de l'année 2015, sa femme l'a en effet surpris dans le lit de sa belle-fille âgée seulement de 12 ans. Au terme de l'enquête, ces dernières confient avoir été violées 15 fois en une semaine seulement. Le beau-père a évoqué pendant l'audience son enfance difficile et s'est aussi dit victime d'abus sexuels. Il aurait précisé n'avoir, et là on le cite, imposé que des pénétrations anales pour ne pas laisser de traces. Voilà. Bon, alors du coup, quand tu cartonnes un mec qui vient te détrousser la nuit, t'es un salaud de 10 ans ferme. Par contre, quand tu sodomises une gamine de 12 ans comme une brute et qui est ta belle-fille de surcroît, Bon, bah là, 24 mois, en sachant qu'il y a des réductions de peine, donc le monsieur en fera un petit peu plus d'un an. Bon, ça va, quoi, j'ai envie de dire. En France, la notion de justice... Il y a quand même une circonstance atténuante, c'est-à-dire que, comme il le dit, il n'a imposé que des pénétrations anales. Donc, je veux dire, c'est un petit peu le concept de virginité musulmique, hein, la virginité halal. C'est-à-dire que tant que tu n'enfonces que le trou du cul, en fait, ça va, quoi. C'est... Le viol est un petit peu dilué dans la sodomie. Voilà. C'est pas un viol du coup, c'est des relations, tu vois, affectives. Tu vois, c'est salut, on se dit bonjour, on se fait la bise. Et on s'encule. Voilà. C'est une invitation à des relations approfondies. C'est ça. C'est la méditation qui amène à la spiritualité. En fait, tout ça est un gigantesque malentendu. C'est un malentendu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence culturelle, pense, et voilà. Je pense que non, ce n'est pas un malentendu, c'est une intolérance de notre côté, hein, du côté des Occidentaux, à accepter les us et coutumes ben, de des nouveaux Français, hein, puisque tous ces gens-là sont Français, il faut le rappeler, hein, comme vous et moi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence à faire entre les Français. Donc voilà, il faut que nous acceptions. Plus, ils sont même plus français que nous en réalité. Oui, oui, voilà. Dire. Et puis pour ceux, oui, il y a rien à faire. Hein. Ce sont des Français, donc il faut que nous adaptions. Quelle est donc cette intolérance qui consiste à dire que on ne peut pas enculer une fille parce que c'est comme ça que ça se fait en Occident. Ben non, il faut arrêter avec ça. Oui, puis en plus, il a été victime. Il a été victime d'abus sexuels. Alors il faut traduire parce que ça c'est du jargon. Ça veut dire chez moi on fait comme ça, donc j'ai fait comme ça. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ouais, alors ça, après, ça met reformulé boulet, ouais. Par l'avocat du gazier, ça donne j'ai été victime d'abus sexuels dans mon enfance, donc voilà, etc. Et les juges rouges, très compréhensifs, se sont dit qu'effectivement il fallait pas être trop dur, etc. Donc alors, la petite victime, dont je présume d'ailleurs elle doit être somalienne ou quelque chose comme ça, enfin un truc de ce coup-là. La petite victime, qui sera donc dégénérée à vie aussi à cause de ce truc-là, va pouvoir quand même se consoler avec 9000 euros, quand même par 9000 euros. Bon, c'est quand même pas... Voilà. Ouais, enfin, ça c'est à supposer que le type soit solvable, donc... Mais c'est quand même une belle somme, quoi. Je veux dire, elle va pouvoir refaire sa vie, etc. Bon, ça serait quand même intéressant d'avoir... J'imagine qu'on a le nom du juge qui a prononcé cette peine. Ça serait quand même intéressant, hein, voilà. Ah, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que le parquet avait... était parti à la base sur 5 ans de prison, et le juge a ramené à 24 mois. Donc avec les aménagements de peine, toute peine inférieure ou égale à 2 ans de prison, je crois, peut être commuée la détention avec un bracelet électronique, ou même plus carrément la conditionnelle. Donc c'est quand même complètement dingue. Donc, violer une gamine, ça va, quoi. Non, parce que le mec... C'est permis. Le mec qui prononce cette peine là, hein, en cas d'explosion en France, etc., il a intérêt à avoir ses valises prêtes pour partir en Thaïlande immédiatement. Hein. Faut faire attention quand même, hein, c'est dangereux. Je soupçonne la juge rouge, femme, membre du syndicat de la magistrature, et tout ce qui s'ensuit. Je soupçonne. Ouais, c'est... Et ça me rappelle, et ça fait le lien avec le Pakistan, l'affaire en Angleterre, vous savez, où il y avait des réseaux de Pakistanais gigantesques qui violaient des gamines à tire-larigot. Oui, Rotterdam. Ah oui, c'était Rotterdam, oui, c'était encore un exemple de virilité et de droiture musulmique, bien sûr. Hein, donc, on a pu constater avec l'échelle de ce réseau sur toute une ville comme ça. Où même la police, les services sociaux étaient complices parce qu'évidemment ils avaient peur d'être accusés de racisme et de faire des amalgames, de stigmatiser, etc. Et il y a un truc donc qu'il faut rappeler, il faut bien faire comprendre aux gens, c'est que par rapport notamment au féminisme, à la défense du droit des femmes, etc., c'est que le progressisme communiste, socialiste, juif, tout ce que vous voulez, le progressisme, quand il a le choix, enfin quand il est face à défendre les femmes ou les nègres, il choisit les nègres. C'est-à-dire que ta petite fille, elle peut se faire enculer 12 fois, il n'y a pas de problème. La victime dans l'histoire, parce qu'il a été victime d'abus sexuels en Somalie, on ne sait pas, c'est le nègre. Hein, c'est quand même lui sur lequel il faut pleurer, etc. etc. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Il y a une échelle. Bah c'est lui, oui, c'est l'Ubermensch, c'est l'Ubermensch du gauchiste, le nègre. Hein. C'est. Voilà, c'est ouais, ça. C'est ça. Donc, comprenez juste, retenez bien que si vous êtes une femme, hein, si vous avez des petites filles, etc. En fait, on en a rien à foutre de votre gueule si vous vous faites violer par je ne sais quel Pakistanais, etc. Il faut bien le comprendre. Hein. Vous pouvez partir à la poubelle, vous pouvez vous faire sodomiser, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est halal, c'est validé, c'est François Hollande. Bah, c'est un système de carte à points, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, t'as plusieurs catégories, tu peux les cumuler. Alors, si t'es juste une femme, bon, bah, c'est mieux que si t'es un homme blanc hétérosexuel âgé entre 20 et 60 ans. Si t'es une femme lesbienne, ah, t'as plus de points. Si t'es une femme lesbienne noire, alors là, t'as vachement, vachement plus de points, etc., etc. Mais ça se combine, c'est-à-dire que, comme tu l'as bien dit, c'est relatif. Si tu te retrouves dans un machin face à un nègre somalien réchappé de son pays à la con, si t'es une femme blanche, désolé pour toi, fallait pas être là, quoi. Tu vois, c'est intéressant, c'est une justice qui s'adapte, une justice flexible. C'est le moins compliqué. Une justice ouverte au changement de population du 21e siècle, quoi, quelque part. Il faut savoir moduler. Voilà. Il y a des nouveaux publics. Il faut le temps. Bon, bah, sans transition, on passe à la rubrique suivante, chers amis. Après avoir longuement discuté sur les charmes de ces populations. Pour paraphraser Jean-Marie Le Pen, urticante et odorante. Passons donc à la rubrique procès de Moscou de la semaine, puisque c'était le procès d'Henri de Lesquin. Hein, c'était le procès du brave Henri de Lesquin, très courageux Henri de Lesquin. Alors, il était jugé pour des propos. On va revenir sur le procès en direct qui a été commenté par des journalistes, etc. Donc, on va le parcourir ensemble. Mais il y a une petite vidéo qui a fait un petit peu le tour là d'internet, vous savez, où il arrive à la 17e chambre à Paris là, et comment dire, il y a Aziza qui l'alpague, etc. Et alors, enfin, c'était magnifique. Qui veut m'en parler de ce truc là? C'était Derek, vas-y, allez, parle-moi de ça. Eh ben oui, tu vois ce brave Henri de Lesquin, comme tu as dit, hein, face à l'ignoble Aziza, hein, cette erreur, hein, encore une fois. Il était appelé là à la barre pour avoir parlé de musique nègre. Oui, tout. Là, lui, il avait tout. Il s'est dit, c'est Noël, c'est parti. Oui, contestation de crimes contre humanité, racisme, tout. Alors oui, il y a quelque chose qui me revient là comme ça. C'était le coefficient de blancheur dans l'équipe de France. Mais on va y revenir ça en détail. Je voulais vous rester sur le Aziza, moi, la confrontation. Qu'est-ce qu'il a Moi, quand j'ai vu Aziza face à Henri de Lesquin, c'est une preuve que les races existent. Il y a quelque chose. C'est pas pareil. Hein, au niveau matériel humain, matériel génétique, ça n'est pas la même chose. Donc, on va écouter le passage parce que ça vaut le coup quand même. On va l'écouter et puis ensuite on passe au procès en lieu. Allez. Vous tirez dans le juif pour des maîtres. Est-ce que vous rejetez tel but qui tirez dans le juif pour des maîtres? Est-ce que vous le rejetez? Non, mais qu'est-ce que vous me répondez à cette question? Je ne vais pas vous répondre. Eh ben alors, c'est vous le prévenu. Rejetez-vous le tel but? Vous appelez au meurtre? Exactement. Menteur, pharisien. Vous êtes un pharisien. Voilà. Bon, bah oui, c'est. Voilà. Est-ce que vous rejetez le Talmud? Les propos du Talmud qui assimile les non-juifs à des bêtes? Ah ben oui, nous, je pense qu'on le rejette tous ici, hein, n'est-ce pas? Oh là là. Voilà. Bon, alors du coup, le procès s'est déroulé avec une forte attention médiatique, je dois bien le souligner, parce que la grande presse a dépêché des journalistes, notamment Vincent Matalon, qui a une tête pas catholique, hein, je dois bien le dire. Hein, il a une tête pas catholique. Ah oui. Et alors, il a commenté donc le procès. Alors, il y a des citations fabuleuses, c'était en live, donc il dit, alors ça commence, « L'audience va débuter. Henri de Lesquin attend en compagnie d'un monsieur qui a demandé s'il était journaliste ou journaleux. » Tu vois, donc en fait, ça commence, les rapports avec la presse sont assez bons, quoi. Le journaliste rappelle, « Lesquin est jugé pour injure raciale et contestation de crimes contre l'humanité après certains de ses tweets. Pêle-mêle. Lesquin s'est étonné de la longévité des survivants de la Shoah, a dénoncé le racisme des Juifs, ou a encore déploré la chute libre du coefficient de blancheur de l'équipe de France de balle au pied. Dans le Figaro, ça c'est toujours le journaliste qui continue, il dénonçait un procès politique pour, il le cite encore, imposer une pensée unique qui s'appelle le cosmopolitisme. Donc là, le journaliste est toujours dans la salle et il dit « Ah, ça y est, c'est au tour d'Henri de Lesquin. Il s'agrippe à la barre. » À la barre, Henri de Lesquin écoute la lecture des tweets. Bras croisés, menton haut. En attendant la reprise... Alors, il y a une rupture d'audience parce qu'il pose une question. Ça, c'est cocasse. En attendant la reprise de l'audience, Henri de Lesquin fait un petit numéro de charme à des étudiants en à des étudiantes en journalisme à l'autre bout de la salle. Ça continue. L'audience reprend. L'avocat d'Henri de Lesquin évoque sa question prioritaire de constitutionnalité et dénonce la ruée des associations antiracistes dans ce genre d'affaires. Alors effectivement, il y avait toute une kyrielle d'associations, pour l'essentiel d'ailleurs juives. Il y avait l'UEJF, il y avait la LICRA, il y avait encore un autre truc, il y avait aussi l'association communiste MRAP, qui était venue donc poursuivre, enfin se porter partie civile et faire les poches à Henri de Lesquin. Et donc, en fait, un des points de défense tout à fait pertinent de Lesquin, c'était de dire que, en fait, c'était une véritable escroquerie qui consistait, en fait, à non seulement à censurer la parole des personnes qui sont des opposants politiques, mais en plus de se faire de l'argent en les censurant, ce qui est vraiment absolument scandaleux et odieux. Ce qui renforce aussi quelques clichés qui concernent ces gens-là. Hein. Oui, alors l'UJF a tenu, juste intéressant ce que tu dis, est-ce que l'UEJF a tenu à ne demander qu'un euro symbolique en soulignant bien qu'il s'agissait de pour que les gens ne se trompent pas sur leurs intentions? Oui, bah, ils ont compris à force, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs à des procès ces derniers temps, voilà. Fait à des gens qui étaient un petit peu énervés contre le peuple de l'huile. Ils se sont rendus compte qu'à chaque fois tu avais toute la troupe là, d'associations entre guillemets, enfin, d'organisations terroristes en fait, hein. Du terrorisme intellectuel qui venait te vider les poches. Ouais. Alors, l'avocat, là je cite toujours le live tweet, hein, c'était tweeté en live, donc je cite toujours le journaliste. L'avocat de la LICRA réplique. Avec cette question prioritaire de constitutionnalité, Henri de Lesquin veut développer sa doctrine, l'abrogation de la législation antiraciste, c'est-à-dire d'une législation terroriste qui vise à empêcher toute personne qui veut défendre son pays de le faire en toute liberté. Voilà, c'est une loi de terreur qui utilise la répression judiciaire pour empêcher les gens qui aiment leur pays de s'exprimer. C'est tout à fait évident. Donc la LICRA explique bien qu'en fait, très habilement d'ailleurs, Henri de Lesquin essaye de faire valoir son point de vue sur la liberté de la presse. Ça continue. Vincent Matalon commente. Jérôme Bourbon vient d'arriver en ami, dit-il, et demande le nom des parties civiles. Donc évidemment, vous savez qui c'est. Pas sûr qu'il puisse entrer dans la salle est quasi comble. En fait, c'était rempli. Donc il continue. C'est la LICRA qui plaide en premier. Son avocat évoque le rappel à la loi auquel a eu le droit Henri de Lesquin après un premier signalement. Parce que maintenant, en France, on est signalé, hein, dès qu'on dit un mot de travers sur Twitter, on est signalé au gouvernement. Après ce rappel à la loi, il a fait un stage de 2 jours au mémorial de la Shoah. Henri de Lesquin s'est félicité dans la presse de l'avoir bousillé. C'est que ça, c'est hallucinant. Ah oui, non, mais il aura bousillé le truc. Hein. Je crois qu'il avait raconté ça dans une émission de ses émissions dans ce libre journal. Hein. Et il aura bousillé le truc, hein, dans tous les sens. Dès qu'on lui racontait des sottises, hein, il allait et puis... Il posait des questions. Poser des questions et puis... Chaque fois, bien entendu, avec un rire ostentatoire. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, autour du MRAP de plaider, l'avocate se dit hallucinée de voir Henri de Lesquin se réclamer de Césaire de Sangor sur la musique nègre. Alors, faut savoir que Henri de Lesquin a parlé de musique nègre à plusieurs reprises, ce qui est absolument, on parle d'art nègre, je vois pas pourquoi on pourrait parler de musique nègre, et il qualifie la musique nègre, elle s'adresserait, je crois, plutôt au cerveau reptilien, c'est ça? Oui. Serait sexuel et obscène. Hein, c'est du tam-tam qui en fait qui rappelle le rythme du coït. Hein. On peut dire ça comme ça en gros. Non, mais c'est tout à fait vrai. Hein. Moi, je suis pas masculiniste pour un sou, mais c'est tout à fait exact. D'accord, donc Magnev n'est pas l'esquiniste. Moi, j'aime bien l'esquin, je le dis. Mais enfin, pourquoi pas. Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'UEJF, tiens, le voilà celui-là, évoque un mauvais remake des visiteurs avec un individu sorti tout droit de Vichy. C'est poussif comme plaidoirie, quand même, hein, je dois bien le souligner. Ouais, non, mais de suite, alors... non, mais de suite en plus, tu vois, ils en viennent à eux, quoi. Tu vois, Vichy, on a souffert, Vichy, voilà. Il y en a qui ont été un petit peu plus polis, ils ont dit le 19e siècle, effectivement. Ouais, c'est à l'époque où ça chie à peu près droit, quoi. Non, mais il faut les comprendre aussi, c'est-à-dire qu'Henri de Lesquin, il arrive là-dedans, c'est un, enfin, pour ces gens-là, c'est vraiment un extraterrestre, hein. C'est-à-dire que, bon, moi, je l'apprécie, en tout cas, j'apprécie ses sorties, notamment sur la musique nègre, etc., parce que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se permettent ce genre d'écart, mais c'est vrai qu'il arrive, et voilà, on croirait qu'il est sorti tout droit d'une autre planète, donc c'est, ils sont choqués, hein, ils sont choqués, il faut un petit peu les comprendre, voilà. Ouais, ouais. Alors. L'avocat de l'UEJF dit la chose suivante, dans sa plaidoirie. Je pense que Henri de Lesquin, l'avocat parle, je pense que Henri de Lesquin se sert de ce tribunal comme d'une tribune et qu'il considérera sa condamnation comme un trophée. C'est marrant, mais ils sont loin à la détente, mais ils commencent à comprendre comment ça fonctionne le truc, vous voyez. Effectivement, les condamnations sont des trophées, évidemment, évidemment. Alors, l'avocat de Henri de Lesquin réagit, donc il répond. Sous la Troisième République, la parole était beaucoup plus libre, même si ça pouvait se terminer à coups de pistolet. Bon, effectivement. Les opinions que j'ai exprimées. Alors ça c'est Henri Desquin. Donc, c'est, voilà, Henri Desquin s'exprime. On lui demande de conclure. Les opinions que j'ai exprimées sont bonnes, justes et vraies. Je vous demande de dire que j'ai le droit de les exprimer. Conclut-il. C'est quand même. Il a accordé une interview juste après le comment dirais-je le procès, dans lequel il dit bien effectivement que il faut lutter prioritairement pour l'abrogation de toutes ces lois de terreur dites antiracistes qui ont commencé en 72 avec Pleven, etc. Puis ensuite, qui sont au fil des années, se sont durcis. On en a rajouté d'autres. Il y a la loi Taubira, la loi Guesso, la loi Lelouch. Voilà, enfin ça n'arrête plus. Et effectivement, là, et d'ailleurs, Urvoise, il faut quand même le souligner, actuel garde des Sceaux, qui avait suggéré, enfin, ça fait quelques années qu'il le suggère, de faire passer les lois antiracistes dans le droit commun. Et oui, c'est-à-dire que tous les propos antiracistes, enfin, jugés violant le tabou suprême qu'est le racisme, ou l'homophobie et tout ce qui s'ensuit, ne soit plus considéré en fait comme une opinion même délictueuse, mais soit considéré comme du droit commun. Donc en fait, au niveau du vol de bicyclette, du trafic de hashish, etc. Voilà. Mais apparemment, ouais, c'est au niveau. Il faut quand même préciser un truc, hein. C'est que ces lois, alors Pleven, Lelouch, tout ça, il y a quand même une sorte de fil conducteur qui est quand même très fortement prononcé juif communiste, donc juif communisto crochu, on sait pas trop, enfin ça se mélange quand même très bien, hein. Il y a quand même une sorte de, c'est-à-dire, voilà, tu parles du judéo-bolchevisme, il y a une sorte de synthèse, hein, dans cette histoire. Alors, pour le coup, Pleven, c'était des mecs de droite, hein. Et Pleven n'était pas juif, je le précise. Ah oui. Ouais, non, mais attention, je suis. Mais je dois. C'est un petit peu la caution, voilà, parce que si tu cites tous les autres, bon, hein. Ouais, en fait, ces lois antiracistes, il faut le savoir, les gens ne le savent pas. En fait, ça a été la traduction dans le droit français d'une convention de l'ONU sur la question, qui a été signée en 65, à l'initiative d'ailleurs de l'Union soviétique et des pays satellites de l'Union soviétique, notamment de la Yougoslavie et de la Pologne communiste, qui étaient des démocraties avancées, comme vous le savez. Et ces pays, en fait, entendaient mener une guerre de longue haleine et de subversion idéologique dans les pays dits capitalistes et dans l'Occident, en Occident. Et donc, ils se sont dit que pour neutraliser un des piliers de ces sociétés qui était le patriotisme, il fallait empêcher toute critique du cosmopolitisme, etc. Et donc, ils ont fait un très fort lobbying au niveau de l'ONU. Évidemment, l'ONU étant peuplé de pépitos, de tout ce que vous voulez, voilà, ils ont signé dès demain, ils ont dit formidable, il n'y a que les États-Unis qui ont refusé de signer ça. La France était très en pointe dans les négociations sur le truc. C'est-à-dire que la France de Gaulle. La France aime les nègres. Hein. La France de Gaulle, précisons-le. La France de Gaulle était la plus en pointe avec l'Union soviétique pour faire adopter ses lois antiracistes. En 65, vous m'entendez ? Et ça, c'est pour le coup la vraie guerre idéologique de fond, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, le socle, hein, parce qu'on parle souvent des lois contre la contestation des crimes nazis ou je ne sais quoi, mais ça, tout ça, c'est vraiment le socle de l'interdiction pour les Blancs d'exprimer le moindre doute par rapport à l'invasion migratoire, etc., etc., etc. Et effectivement, c'est intéressant de noter l'exception des États-Unis qui, malgré le politiquement correct qui s'est installé là-bas aussi, ont toujours refusé ce genre d'injonction, quoi. Ouais, ils avaient compris que c'était de façon, c'était instigé par l'Union soviétique, ça les visait explicitement. Ceci étant dit, donc en fait, ça a été négocié en 65, après il faut la traduire dans la législation nationale, enfin, après, des États peuvent parfaitement en refuser, je tiens à souligner que les États-Unis ont refusé de le faire, je tiens à souligner que le Japon a refusé de le faire, d'autres pays ont refusé de le faire, ce sont des pays où la liberté d'expression est sacrée. Mais la France, en 72, le signe, et puis évidemment, la mécanique est lancée. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a fait la loi, il suffit de la durcir après. Et maintenant, c'est-à-dire que si vous dites du mal d'un crépu, bon, bah, c'est de la tôle ferme, c'est du un an. On parle même pas de je sais pas quoi. Si vous formulez des. Si vous émettez des doutes par rapport à la celtitude des Africains. Voilà. Donc vous prenez autant que le violeur, là, somalien, qui a enculé sa belle-fille 15 fois. Ah, c'est 24 mois, c'est ça. Si tu doutes de la celtitude des nègres, 2 ans. Si tu violes 15 fois ta belle-fille de 12 ans et que t'es un Somalien, même tarif. Voilà. Normal. Bah oui, c'est voilà, c'est. Mais ça, je veux dire quand même je veux pas leur donner des conseils non plus, mais bon, toutes ces associations, tous ces lobbies sont quand même des imbéciles de faire de la publicité à Delesquin, parce que bon, quoi qu'on en pense. Toutes ces questions-là, il a absolument raison, et d'en faire tout un foin comme ça, parce que c'est quelqu'un qui avait une audience relativement confidentielle, hein, jusqu'à très récemment, et alors là, ils le font véritablement exploser, et je suis désolé, moi, même des gens relativement normaux, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gauchistes finis à la pisse, vraiment convaincus, confis de leur merde mentale, qui ne sont pas capables d'entrevoir un petit peu de vérité ou de sincérité dans ce que raconte Delesquin. Donc lui faire tout un foin comme ça avec ce procès, c'est juste complètement débile, et ces gens-là auraient juste dû le laisser parler tranquillement, quitte à accepter de prendre quelques coups. Mais bon, évidemment, comme d'habitude, ils sont pas très très fins. Hein. C'était une tactique, je pense, qui a été menée hein, par Delesquin et son équipe. Enfin, Henri Delesquin, excusez-moi. Et son équipe, puisque il était patron de Radio Courtoisie, il avait son émission, mais bon, ça restait sur ce média-là. C'est arrivé par la suite, il y a eu des sites internet, c'était partagé pas mal sur les réseaux sociaux. En fait, c'est les médias, type Nouvelle Obs et compagnie, qui se sont indignés à chaque fois de ces prises de position, qui ont fait sa réputation un petit peu. Bah, disons que Delesquin, c'est un type qui est sur une radio FM. Voilà. Oui, FM qu'en Ile-de-France en plus. Ouais, c'est qu'en Ile-de-France, mais elle est quand même installée, elle est là, etc. Et elle était considérée comme relativement calme. C'est-à-dire qu'il voilà, il y avait pas, ça débordait pas trop. Donc il y a jamais eu de voilà. Même si bien évidemment voilà, il y a eu plein d'émissions. Vous pouvez les écouter en ligne. Hein, il y a des émissions de Beckett. Enfin, il y a des passages de Beckett, c'est excellent. Enfin, de Beckett, c'était très bon quoi. Et comment dire, et c'est ça qui les emmerde en fait. C'est-à-dire que t'as un type il n'est pas mainstream au sens idéologique, mais c'est quelqu'un qui est quand même dans une structure, qui est reconnu par l'État, qui a une audience, etc. Et puis tout d'un coup, le type décide de s'affranchir totalement de ce que ce monsieur Henri Delesquin appelle cosmopolitiquement correct. J'aime beaucoup cette formule, elle est très bien. Cosmopolitiquement correct, et là ça va plus, etc. Et ces imbéciles heureux de l'UEJF, de la LICRA, du MRAP et compagnie font un foin barouf pas possible, lui font une campagne énorme. Et évidemment, bon, bah, politiquement, le résultat est là. C'est-à-dire que personne ne connaissait Delesquin. Et maintenant, il est connu, etc. Et puis en plus, Enfin, je veux dire, il est facétieux, il est marrant. C'est pas sorti tout seul, c'est-à-dire qu'il y a eu une stratégie de com qui a été faite derrière. Il n'est pas resté comme ça sur sa radio, parce que ce qu'il disait à la radio, là, les propos, pourquoi il est. Ce pourquoi il est attaqué, il le dit depuis des années. Ce pourquoi on l'attaque vraiment, c'est parce qu'il est allé sur Twitter avec ses sites internet, qu'il a fait du buzz médiatique. Et ça, c'est vrai que. Donc c'est Twitter qui a déclenché la, a fait déclencher la machine, quoi. Ben oui, Twitter et autres, hein, parce que ça a été repris par les espèces de pigistes à la con, là, ces journalistes de gauche de merde, qui ont écrit des articles parce qu'ils étaient choqués comme des petites pucelles. Et de fil en aiguille, effectivement, ça fait une présence médiatique. Voilà, moi, au travail, hein, au boulot, on m'a parlé d'Henri de Lesquin, si je connaissais. Eh ben oui, effectivement. En tout cas, voilà, une stratégie gagnante. Pour moi, c'est une stratégie gagnante. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Et en fait, ça, c'est la démonstration que la dédiabolisation promue par la Fiotte Philippot est une stupidité totale, puisque, en fait... Henri Lesquin montre qu'il faut prendre l'initiative et qu'on peut prendre l'initiative qu'en violant les tabous idéologiques du moment. C'est-à-dire que Henri de Lesquin a assumé, parce que j'imagine qu'il a vu les réactions sur Internet à ce qu'il racontait, et Henri de Lesquin s'est transformé en troll grandeur nature, quoi. Et il a assumé un petit peu cette stratégie, et je pense que c'est clair que ça va payer, alors peut-être pas financièrement, hein, évidemment, mais politiquement, en termes d'audience, en termes de rayonnement, ça va payer. Et pour le coup... En termes de libération de la parole, ça paye déjà. Hein. Bon, c'est une des... Bon, au moins pour ça, on peut le saluer, c'est-à-dire c'est une des rares personnes de son âge qui a l'intelligence de se positionner comme ça et de dire « Écoutez les gars, j'en ai plus rien à foutre ». Je l'ouvre, je dis ce que je veux et ça va payer, c'est clair. Et je vous emmerde. Et le cosmopolitiquement correct, effectivement, il faut le faire péter. Et c'est ça qu'il a compris, c'est-à-dire que c'est pas en se conformant aux injonctions, des capots bolcheviques qui gouvernent les médias et les ligues de vertu qui sèment la terreur à coups de procès. Qu'on avance, c'est en faisant péter ces interdits, en étant des rebelles, en étant des pirates. Et il faut braquer la banque. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander d'autorisation. C'est-à-dire qu'on ne nous donne jamais rien sur cette terre. C'est-à-dire que quand on se soumet d'office aux interdictions du gauchisme ou du lobby juif, etc. De toute façon, on ne peut pas mécaniquement, mathématiquement, on ne peut pas marquer de points, on ne peut pas faire avancer le curseur vers la droite. Et donc, il n'y a que, effectivement, en devenant une sorte de pirate, un troll, etc., il n'y a que comme ça qu'on fait avancer un petit peu le curseur, ce qu'on appelle la fenêtre Overton dans la dissidence, entre guillemets, anglophone, quoi. C'est-à-dire, si en stratégie militaire, c'est-à-dire si tu acceptes que l'ennemi t'impose l'espace dans lequel tu vas évoluer, tu es perdant. Et précisément, le but, c'est de le déborder, c'est de sortir du périmètre dans lequel il veut te fixer et d'aller sur des territoires où lui ne veut pas ou ne peut pas aller. Et donc, effectivement, il faut systématiquement, et là je le dis à tous ceux qui nous écoutent, il faut systématiquement violer la loi jusqu'à la rendre comme un couteau émoussée au point d'être inopérante. Voilà. Comment font les gauchistes? Pourquoi vous avez un mariage gay aujourd'hui? Enfin, une union civile des PD? Pourquoi vous avez ça? Parce que pendant 40 ans, des dégénérés homosexuels d'extrême gauche se sont moqués du mariage catholique, ont dégueulé dessus, ont par tous les moyens normalisé leur truc, ils ont fait des simulacres de mariage avec leurs copains du showbiz, le tout filmé par des journalistes complices, je ne citerai pas de nom pour ceux qui l'ont fait dans le passé, etc. Ils ont comme ça, à coup de transgression, à coup de coup de com', etc., et même à coup de procès, ils ont démontré que la répression ne les stoppait pas. Donc il faut systématiquement violer la loi antiraciste. Systématiquement. Donc, allez-y avec les mots nègres, bico, bougnoule, etc. Lâchez-vous, fiotte, tant que vous voulez. Parce que quand il y a un mec qui le dit, ils peuvent réprimer. Quand il y en a 10 000, ils peuvent plus, c'est terminé, on a gagné le match. Donc, libérons la parole. Bravo Henri de Lesquin. Bravo pour sa tenue lors de ce procès qui était procès Moscou de la semaine et droitard de la semaine. Voilà, ouais, voilà. D'une pierre deux coups, effectivement. Voilà, le procès de Moscou la semaine. Salut à Henri Desquin, salut à tous, à son équipe, salut à tout leur travail qu'ils font. C'est très très bon. Une pause musicale et puis ensuite on se retrouve pour la discussion de cette émission autour du clash entre Daniel Conversano et Alain Soral. À tout de suite. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fais pas le fou avec moi. Je te pétais les dents. Je vais casser ta bouche. Je lève mes poings. Et tu peux faire rien. Si je me mets à te patater, yeah, yeah, yeah. Quand je te boxe, c'est plus lourd qu'un beatbox. Fais attention, attention. Je suis un MC à haute tension. Je suis le roi de la baston. Mon personnage est dans Street Fighter 5. Écoute bien, petite baltringue. Los Locos 87, je t'arrache les cheveux, je t'ouvre la tête. Je t'ouvre la tête. Je représente le 8-7. Je suis trop puissant, je te pète les dents, je te vide de ton sang et je fais du boudin. Dédicace à tous mes sacs du Limousin, Limousin, MC Limousin, roulons limousine, avec moi y'a tes copines et tes cousines. Tu peux pas tester, je suis trop énervé, je suis trop hardcore, au point où en corps à corps, je fais du free fight, je fais de l'impact, fais attention, tu vas rester à l'hôpital pour une longue date. Fais attention si tu te tâtes, je vais te mettre des patates. Coup de poing, coup de pied, coup de coude. Victoire coûte que coûte. Même Bruce Lee flippe de moi, Hulk Hogan flippe de moi, tous les personnages de Street Fighter flippent de moi. Pas besoin de boule de feu pour te mettre la hagra. La puissance de mes poings te détruit, cousin. Yeah, yeah, yeah. Wah, wah, wah, wah. Comme Ken le survivant. Je suis trop puissant. La vraie vedette. Yeah. T'as compris, PD? Si tu veux me tester, moi je vais te démolir. Fais pas le main avec moi, sinon je te mets la agra. Une baston, mec, c'est pas une solution. Si tu veux finir Cotorep, Alors qu'en musculation tu fais très très peu de rep, casse-toi bolos, ou je te casse tes os, je suis trop puissant. Nous revoilà pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison 1, épisode numéro 25, et cette deuxième partie va être intégralement consacrée à notre débat de la semaine, et ça va être le clash entre Daniel Conversano, qui est un youtubeur identitaire, italien, fasciste revendiqué, je crois, vous me corrigerez, hein, je sais pas exactement... ce que fait dans le détail Daniel Conversano, et Alain Soral, bon, qu'on ne présente pas vraiment, essayiste, écrivain, polémiste, boxeur aussi, tenant d'une ligne politique qui est à peu près connue maintenant, c'est-à-dire c'est la réconciliation nationale, c'est-à-dire de rassembler sous la bannière patriotique française toutes les personnes sans regard pour leur religion, leur origine ethnique ou raciale ou sociale. Hein. Donc, enfin, voilà, sauf les juifs quand même, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Je crois même qu'il a dit que si on est un juif patriote, tant que tu es antisioniste, je crois, c'est ça le truc. Enfin, on va y revenir. Oui, vraiment. Jacob Cohen, voilà, il y a des trucs comme ça. Alors, voilà. Alors donc, bon, je fais vite un résumé du truc. Dieudonné, humoriste brito-camerounais bien connu, anime une émission de son cru qui s'appelle Niveau Zéro, dans lequel il invite diverses personnes, et ce coup-ci, c'était donc Daniel Conversano qui était invité, et à la dernière minute, je crois, 48 heures avant le début de l'émission, Alain Soral a tenu à s'inviter pour apporter la contradiction et aussi quelques directs, voilà, quelques crochets à Daniel Conversano. Le tout était filmé et très rapidement sur les réseaux sociaux, on a pu voir le contenu de cette émission avortée en fait, puisqu'il y a eu des échanges de coups, ou plus exactement, non, il n'y a pas eu d'échange, puisque Daniel Conversano n'a pas rendu les coups qu'il recevait. Alain Soral a boxé Daniel Conversano. Alors, ça pourrait être une anecdote, j'ai envie de dire, comme ça, j'ai juste envie de donner mon premier sentiment sur le sujet. Ça pourrait être une anecdote, parce que, en fait, en soi, c'est une rixe. Des rixes comme ça, je veux dire, dans les bistrots de France et de Navarre, il en arrive tous les soirs. Mais c'était filmé. Et donc il y avait un côté mise en scène effectivement qui donne de la force aux images, on va dire, et aussi ça intervient à un moment où la ligne soralienne, dont on va avoir l'occasion de parler en détail, est un petit peu en bout de course peut-être, mais en perte de vitesse, on va dire, voilà, hein. En perte de vitesse chez les Blancs, hein. Chez les Blancs, et qu'un Conversano, alors le Conversano, lui, ou les propos qu'il tient, entrent en résonance avec une dynamique beaucoup plus large dans le monde blanc, enfin dans le monde occidental, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout en Europe, qui est en fait une défense du monde blanc face à l'invasion migratoire. Voilà. Et en France, à ce moment précis, en fait, Alain Soral, qui sort déjà de très nombreuses polémiques avec divers groupes politiques ou individualités, arrive et se met à dos ce qu'on appelle la mouvance identitaire, même si elle est hétéroclite, en s'en prenant physiquement à Daniel Conversano. Alors on va prendre un extrait de cette altercation où Daniel Conversano s'exprime. Vous pouvez regarder sur internet, hein, la totalité de je crois qu'il y a 15 minutes où les deux personnes s'expriment, enfin bon, regardez la vidéo en ligne, mais on va mettre un extrait et donc l'échange de coups. Qui m'écrive tous les jours? Commerce, c'est pas les Arabes peut-être? Non, pas du tout, non. C'est la réconciliation nationale. J'ai été au Front National pour parler de la question sociale. D'abord, la question sociale, t'en as rien à foutre parce que tu n'es jamais inscrit dans le monde du travail. Non, c'est pas qu'elle a rien à foutre. La question, tu vis comme un bourgeois depuis 30 ans, Soral. Tu vis à Saint-Germain-des-Prés et quand tu as la marre d'être là-bas, tu vas à Pau, qui est une des villes les plus blanches de France. Je vais pas à Pau, je vais à Bayonne. Oui, bah c'est la même chose. C'est un endroit où en fait, où tu ne vas pas vivre avec les immigrés, d'accord? Donc tu prescris aux Français de rester calme face à l'immigration. Dans une logique de réconciliation, cette réconciliation est impossible. D'accord ? Elle ne fonctionnera pas d'abord, jamais. D'abord, il n'y a pas de réconciliation à voir avec des citoyens français qui sont là depuis des trois générations. Ce ne sont pas des Français, tu le sais très bien. Non, non, tu veux dire que ce ne sont pas des Blancs, c'est tout ce que tu veux dire. Ce ne sont pas des Français. De quel droit tu oses dire ça? Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, non, mais c'est qui tout le monde, petit con, petit merde, c'est qui tout le monde? Je connais des mecs qui travaillent. Le Front National n'est pas à 30%. Si, mais le Front National pas... est à 30% c'est aussi. Pas, c'est pas Taline qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Bordel. Voilà, alors, moi, avant de rentrer dans le truc, vos réactions comme ça, vite fait, quoi. Vite fait sur le truc, je vais commencer avec Derek. Derek. Bon, ça, bon, ça, de prime abord, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise, quoi, hein, parce que on voyait, bon, Soral, bon, les positions qu'il a, quelles qu'elles soient, on n'est pas d'accord, hein, ça c'est certain, mais on voyait Daniel Conversano qui, voilà, qui commençait, qui s'énervait au niveau verbal. Alors, on comprenait pas bien pourquoi. Bon, après, on l'a su, c'est-à-dire qu'en fait, il est venu avec des amis à lui, et ses amis à lui n'ont pas été autorisés à rentrer. Et quand il est rentré, il a vu que Soral était déjà là et que Soral avec ses gardes du corps. Donc effectivement, ça peut susciter, n'est-ce pas, une certaine, ouais, comment dire, certaine méfiance. Ouais, une certaine méfiance et un certain agacement, hein, c'est certain. Mais voilà, donc si, c'est bien précisé parce que moi, comme d'autres, c'est vrai qu'on a pu être de prime abord. On s'est dit bon, pourquoi il crie. Mais bon, après surtout le discours, bon, on en reparlera, mais c'est On est d'accord à 100% avec ce que dit Conversano, il n'y a pas de souci. Frédéric. Ah bah, moi je voulais juste rappeler que oui, effectivement, bon, tu l'as dit, mais à la base, il était prévu que ça soit seulement Conversano face à Dieudonné, qui soit invité à s'exprimer. Il n'y avait pas, avant cette émission-là, chez Dieudonné, j'ai regardé un petit peu pour voir, par curiosité, ce qu'il faisait dans son émission La Niveau Zéro, hein, qui est pour le coup bien nommé, et il n'y avait pas de débat comme ça, c'est juste des gens qui étaient invités à parler, et donc Conversano, j'imagine, partait du principe que voilà, Dieudonné allait un petit peu le titiller, essayer un petit peu de se moquer de lui, certainement par rapport à ses positions, donc il a accepté l'invitation, ma foi, de façon assez voilà, honnête, disponible, etc., hein. Et en fait, oui, comme tu le disais, Soral s'est invité au dernier moment, c'est-à-dire que on m'a appris à Conversano que Soral allait être face à lui au dernier moment. Conversano ne s'est pas débiné, hein, parce que quand on sait un petit peu comment se comporte le maître du logos, entre guillemets, en débat, bon, c'est pas non plus, je veux dire, il se démerde quand même très bien quand il est face à des gens qui doivent se défendre verbalement, etc. Donc, Conversano aurait pu prendre peur, il aurait pu se débiner, etc. Enfin, voilà. Et il a tenu à quand même faire l'émission, à se retrouver face à Soral et à essayer de défendre ses positions. Donc, c'était quand même, voilà, c'était quand même un petit peu couillu de sa part, sachant que ce qu'est Soral, effectivement, en débat verbal. Oui, voilà, et là, il s'attendait pas à ce que, je ne pense pas qu'il s'attendait en tout cas à ce que ça dévie sur un, que Soral a appelé un match de boxe, enfin une confrontation. Algarade. Oui, voilà, voilà. Oui, voilà, juste souligner qu'effectivement, Conversano, à la base, a quand même été assez courageux d'accepter de se pointer comme ça, et d'autant plus quand, comme l'a rappelé Derek, on a refusé à ses... Il était venu avec, je crois, 3 ou 4 personnes, on a refusé à ses amis, sauf à son caméraman et son ingénieur son, de venir sur le plateau. Donc on s'est bien assuré que lui, hein, contrairement à l'instructeur de boxe, hein, etc., etc., contrairement à l'homme viril Alain Soral, lui n'avait pas le droit d'avoir un garde du corps présent sur le plateau. Voilà. Mais en précisant que les gardes du corps d'Alain Soral sont des métèques. Hein. Oui, des métèques, des turcs, enfin voilà, donc effectivement... Patriotisme en priorité. Alors, Astérix, à toi. Ben moi, écoute, franchement, j'ai perdu énormément. C'est pas une vidéo qui m'a plu, tu vois. Je sais qu'elle a fait énormément le buzz, tout le monde en parle et tout, mais moi, j'ai perdu énormément d'énergie parce qu'à la base, J'ai rien contre, ben, spécialement contre Conversano, que j'apprécie. J'ai rien contre Soral non plus, que, à qui moi je trouve encore beaucoup de circonstances atténuantes, mais c'est même pas des circonstances atténuantes. Moi je trouve qu'il y a certaines de ses positions qui sont très intéressantes encore, aujourd'hui, quoi, comme sur le féminisme, ces choses-là. Et donc moi c'est quelqu'un que je continue à suivre. Et franchement moi quand j'ai vu, parce que je savais que Soral faisait de la boxe, moi quand je l'ai vu arriver, la première chose c'est mais qu'est-ce qu'il fout ce malade mental. Déjà très mal à l'aise comme Derrick, très mal à l'aise de l'attitude de Daniel Conversano. Moi je comprends pas ce côté ricaner en regardant Soral en lui disant qu'il le respecte pas, avec en sachant tout ce qui s'est passé avant. Moi je trouve pas que ce soit des circonstances atténuantes, je trouve au contraire que c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il se retrouve isolé face à Soral, tous ses gardes du corps, il provoque clairement Soral. Il y a un côté inconscient chez Daniel Conversano. Oh, ouais, provoque, vas-y mollo. C'est juste que si tu veux, moi, je pense que toi, tu trouves beaucoup de circonstances atténuantes à Soral, parce qu'effectivement, il a eu un discours peut-être intéressant sur certains sujets, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut quand même se rappeler qu'à la base, c'est un mec qui était un gigolo dans des boîtes bisexuelles à Paris, qui se vante de se faire lécher son trou du cul par un chien, et j'en passe, et des meilleurs. C'est-à-dire que quand un mec comme Soral, effectivement, donc voilà, héroïnomane sous Subutex, etc., etc., hein, le chien dans le cul et compagnie, quand ce mec quémande du respect, je suis désolé, mais son image de chevalier Bayard et compagnie ne peut être prise au sérieux que par des gens qui ne sont pas réellement très droite des valeurs, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc, moi, je ne m'étonne pas que Conversano ou d'autres lui ricanent à la gueule, parce qu'au fond, voilà, il a beau prendre ses postures, etc. En gros, Soral, c'est quelqu'un qui quémande du respect parce qu'il a ouvert sa gueule sur les Juifs, et c'est tout. Si on regarde le reste du personnage, il n'y a pas énormément de raisons de le respecter et de fermer sa gueule comme ça, bien sagement. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Non, mais alors, on va parler juste de stratégie. C'est-à-dire que dans le fond, chez soi, devant sur son canapé, on puisse ricaner de Soral et tout ça. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas un fanboy qui va demander parce que les gens admirent ce mec. Absolument pas. J'en sais trop pour pouvoir demander ça aux gens. Mais par contre, stratégiquement, moi, il y a quand même un truc qui me gêne. C'est que je pense que énormément de gens, quand tu vois le vrai logiciel de la France actuelle, qui est quand même un logiciel, attention, c'est 8 millions de vues pour je sais n'importe quel gauchias, des mecs comme Usul et tout ça font 3 millions de vues, Mélenchon arrive sur YouTube, il fait 400 000 vues. La France est un pays de malade mental, ça on le sait tous ici. Donc, Soral arrive dans ce pays de malade mental, et je pense que le public de Conversano, malheureusement, passera souvent par Soral. Donc il faut pas forcément montrer un manque de respect aussi flagrant au maître à penser de tes futurs adhérents, tes futurs suiveurs. Je vais donner mon truc là-dessus, je vais mettre tout le monde d'accord, après on va passer au débat. C'est qu'effectivement, en fait, Conversano a démarré son débat comme une discussion de bistrot. Et donc, voilà, le mec, il n'a pas compris que dans un débat, il y a des règles. Et effectivement, y a une formalité à respecter, c'est-à-dire que tu mets un peu les formes, t'arrives, voilà, je sais pas, éventuellement tu te tailles la barbe, t'arrives pas en pull-over, enfin il y a deux trois trucs comme ça à faire. Moi je le dis franchement, j'ai pas d'animosité à l'égard de Conversano particulièrement, hein, mais voilà, tu mets un peu les formes, et effectivement, comment dirais-je, de lever la voix tout de suite, même si il y a un passif et qu'il y a des tensions déjà préexistantes, effectivement, c'était pas la meilleure façon d'aborder le débat, et donc voilà. Mais en même temps, ça devait se passer comme ça. C'est-à-dire que ça devait se passer comme ça pour que ça produise un résultat. Et le résultat, on l'a connu. C'est qu'en fait, il y a eu une conclusion, et ça a amené pas mal de monde à tirer les leçons de ce truc. Finalement, c'est-à-dire que c'était un mal nécessaire, probablement. C'est-à-dire qu'il fallait que Conversano fasse un petit peu le, comment dirais-je, le, le, le, le mec un peu comme un, comment dire, irrespectueux, etc. Voilà, ou en tout cas qui respecte pas les formalités élémentaires, hein, pour que ça parte vraiment dans tous les sens. Maintenant, en fait, ce que je voulais, bon, maintenant on va rentrer en fait dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur le fond. Alors en fait, je me suis dit que une façon intéressante de le faire, c'était de prendre en fait les réactions des pro-sorales, hein, des soraliens, parce qui ont développé, on va dire, un argumentaire sur cette confrontation, et là-dessus on va rebondir. Voilà. Donc en fait, on part du camp d'Alain Soral, de ceux qui vont développer le point de vue le plus pro-soral, et puis bon, bah, chacun va pouvoir donner son point de vue, enfin sa réaction face à cette position. Alors j'ai décidé de choisir Vincent Lapierre et ses réactions. Alors je dis tout de suite, hein, pour commencer, je n'ai rien contre Vincent Lapierre à titre personnel. Je veux dire, enfin, en tout cas, moi je le connais pas déjà, j'ai jamais échangé avec lui. C'est un garçon qui fait des prises de vue dans des manifs, etc., qui sont très intéressantes. Je veux dire, il a quand même débunké des trucs, je veux dire, avec les antifas, des trucs comme ça. Il a fait un boulot intéressant. Faut pas non plus, je veux dire, moi je vais pas être caricatural, je vais pas tout bazarder en disant, voilà, les gens autour d'Alain Soral ou autour de R font à 100% des trucs inutiles, ce serait faux. Et Vincent Lapierre fait un truc. Fait des choses intéressantes, je le trouve pas mal dans ce qu'il fait. Après, je ne partage pas un certain nombre de ses positions, mais ça c'est un autre débat. Mais je me suis dit qu'il a formulé un argumentaire, et je me suis dit bah, c'est pas mal pour la discussion. Et donc bah, on va partir là-dessus. Alors, il a posté ça sur Facebook. Hein. Je vais commencer par le premier point. Il dit « Beaucoup d'entre vous me demandent ma réaction sur ce qui s'est passé sur le plateau de Dieudonné. Bien sûr, je n'aurais pas réagi ainsi, c'est-à-dire comme Alain Soral, donc violemment. Mais il est bon de préciser que, premier point, et on va commencer sur ce premier point, Conversano a été irrespectueux envers Alain Soral. Moi-même, je ne me ramène pas devant les gauchistes en leur disant que, je cite, « je ne les respecte pas, je ne le pense même pas ». Ni en les tutoyant ou en criant. Ce serait de la pure provocation et je n'aurais pas à m'étonner ni à me plaindre si l'on me frappait dans ces conditions. Ce qui m'amène au point numéro 2, bon bah je vais le mettre tout de suite. Je pense que Conversano voulait que cela se produise ainsi. Il a provoqué Alain Soral alors qu'il sait que c'est un sanguin. Conversano n'est pas une victime. Il voulait cette altercation. Il la voulait et l'a préparée depuis des mois en chauffant Alain Soral sur les réseaux sociaux. Tout ça car il sait que cela pouvait accroître sa visibilité. Conversano est un malin, certainement pas une naïve victime. Alors, avant de vous demander votre avis, c'est une imposture complète. Je veux dire, oui. C'est prêté à Conversano des calculs à 6 mois. Enfin, je veux dire, franchement, c'est bidon. En revanche, Alain Soral a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il voulait clairement foutre une trempe à. Et d'ailleurs, il l'a dit en direct sur le plateau. Ah, mais déjà, c'est prêté à Conversano l'idée qu'il savait qu'il allait se retrouver face à Alain Soral sur le plateau de Dieudonné. Or, ouais. Le mec l'a appris au dernier moment. Lui, il pensait aller à une émission face à Dieudonné, où certainement Dieudonné allait un petit peu se moquer de lui, etc., essayer de ridiculiser un petit peu ses positions, et Conversano allait se défendre, voilà, tant bien que mal, mais il ne s'attendait pas à se retrouver face à Soral. Ça, je suis désolé. C'est bien Soral qui a voulu, qui a insisté, comme il le dit lui-même, à le croiser physiquement, et qui avait annoncé d'ailleurs via des commentaires, voilà, sur Facebook, etc., qu'il était lui-même venu, en gros, pour lui mettre une torgnole, quoi. Donc cet argumentaire comme quoi Conversano voulait que ça se passe comme ça, c'est du foutage de gueule complet. Et alors je veux revenir en vitesse sur le premier point, parce qu'on est passé un petit peu rapidement, quand il dit « moi-même », alors c'est Vincent Lapierre là évidemment, hein, « je ne me ramène pas devant les gauchistes en leur disant « je ne les respecte pas, ni en les tutoyant ou en criant ». Bon, alors d'accord Vincent Lapierre, seulement là on parle d'Alain Soral. Et Alain Soral, qu'est-ce que c'est son logiciel quand il est en débat sur des plateaux télé? C'est de systématiquement prendre l'ascendant en gueulant plus fort, en expliquant aux gens qu'ils ne les respectent pas de façon plus ou moins directe, en les tutoyant et en criant. Hein. C'est-à-dire c'est ça, toute la carrière d'Alain Soral dans la télé, c'est des clashs où il gueule, où il vomit sur les gens, où il insiste bien pour montrer qu'ils ne sont pas, enfin voilà, qu'il n'y a pas à les respecter, etc., etc. Donc quand Soral lui-même vient faire sa pleureuse en disant qu'on ne l'a pas respecté, qu'on a gueulé, etc., etc., c'est juste, c'est hilarant. C'est-à-dire que c'est l'arroseur arrosé. C'est le mec qui a l'habitude de faire ça à tout le monde, quoi, hein, et qui c'est son modus operandi, et qui se reprend ça dans sa propre gueule. Effectivement, quelqu'un arrive face à lui, ne le prend pas au sérieux, lui gueule dessus, etc., etc. Donc moi, j'ai trouvé ça totalement juste, en réalité. C'était tout à fait normal qu'un jour, il arrive ça à Soral, quoi, que quelqu'un arrive devant lui et lui retourne son attitude agressive, méprisante, etc., etc. C'était tout à fait normal. C'est-à-dire qu'en fait, que tu veux dire que Soral jeune, sous les traits de Conversano, a agressé verbalement Soral vieux, sous les traits de Soral. En fait. C'est exactement ça. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est un peu la définition du respect selon Alain Soral et selon Vincent Lapierre. C'est-à-dire que moi, quand le respect selon la racaille afro-maghrébine, ce n'est pas la même définition que les blancs ont du respect. En fait, le respect selon Soral, c'est vraiment le respect du mafieux. C'est-à-dire, si tu ne fermes pas ta gueule et si tu ne te soumets pas, tu vas trouver mes points ou pire. Donc j'ai vraiment l'impression que Soral en fait aime les bougnoules. Parce que il a la même définition du respect. Bah c'est un vrai bougnoule mental. C'est-à-dire le mec il arrive, ouais tu me respectes, vas-y tu me respectes, tu vois. Et si tu le respectes pas, bah effectivement il te tape la gueule quoi. Je suis d'accord. Là je veux dire parce qu'on a parlé de Conversano et son attitude. C'est vrai que Conversano a commencé etc. Mais bon il y a un passif et ça bon peu importe. Et je veux dire c'est un truc qui ne parle pas. Mais Soral a 60 ans. C'est-à-dire que c'est un type, il a roulé sa bosse, peu importe comment, peu importe, c'est pas le sujet, mais il a roulé sa bosse, il a 60 berges, il voit un mec de 30 balais et quelques arrivés, s'il le voit un petit peu débordant d'énergie, insolent, etc., Soral doit démontrer justement, en tant que mec bientôt sexagénaire, que lui, il a la sagesse pour lui. Et que justement, il peut annuler l'agressivité de son opposant avec élégance et courtoisie. Bah c'est soi-disant le maître du logos quand même. Les louches, tu vois, mais ça veut dire de savoir amortir le coup et de sortir du truc à son avantage. Et normalement, quand t'as 60 balais, tu sais le faire. Ça, si t'es un débatteur un peu expérimenté. Or, Soral, il a pas suscité ce respect-là. C'est-à-dire qu'il a pas démontré que le mec attiré naturellement du respect en fait. Il s'est comporté, et je suis d'accord, enfin c'est vraiment ça, il s'est comporté comme un putain d'Algérien. Et moi j'étais confondu devant la vidéo, j'étais là, je dis putain mais c'est surréaliste ce truc. Voilà. Mais c'est ça justement, c'est ça qu'il cherchait, c'est-à-dire qu'en réalité ce type de... Enfin, qu'émander le respect comme ça, en mode le respect qui m'est dû, etc., etc. Je veux dire, le respect pour les Européens, c'est quelque chose soit que tu as naturellement, ou c'est quelque chose que tu n'as pas. Je veux dire, on est capable de discuter, même entre gens qui ne se respectent pas, on est capable de discuter. C'est pas quelque chose que tu quémandes et que si tu n'as pas, tu pètes un câble. Voilà. Ça, c'est un truc de maghrébin qui demande le respect, effectivement, qui demande de la soumission, en réalité. Et effectivement, Soral se comporte comme un vulgaire bougnoule. Ça ne parle pas du tout aux Européens. Et Soral, c'est lui, à mon avis, enfin c'est clair, qui voulait ce genre de truc. Hein, il a dit qu'il était là pour lui filer une torgnole, parce que ça, c'est le genre de voilà, tu me manques, tu me respectes, tu me respectes. C'est le truc qui parle à son public de bougnoule au QI à deux chiffres, et c'est tout. Les Européens, non, mais attends, Astérix, deux minutes. Les Européens un petit peu intelligents, je suis désolé, ils s'attendaient, pour ceux qui sont plutôt pro-Soral et qui n'ont pas qui ne sont pas des bougnoules mentaux. Il s'attendait à voir Soral retourner Conversano comme une crêpe sur le terrain du logos, en se moquant de lui, mais vraiment en l'écrasant verbalement, pas en réagissant effectivement comme un putain d'Algérien. Et de toute façon, le résultat, ça va être ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'effectivement, il va renforcer son soutien auprès des bougnoules, et on le vérifiera par la suite. Hein, on peut en parler. Et chez les blancs qui ont un QI à trois chiffres, ils vont juste voir un putain d'Algérien mental, c'est tout. Alors là, je, avant qu'Astérix réagisse, je confirme effectivement que les Maghrébins sont extatiques, et on va citer Morsaille, hein, qui a pris la défense d'Alain Soral. On cite tout de suite Morsaille qui va développer sur le sujet, et on se retrouve derrière, et c'est Astérix qui va prendre la parole. Morsaille, une réaction par rapport à la vidéo d'Alain Soral, le débat avec Dieudonné? Oui, alors je suis satisfait d'Alain Soral, ce qu'il a fait, et Dieudonné, grosse big up à lui. Surtout Alain Soral, quand il a défendu la communauté des Rebeux et des Renois, ça fait vraiment plaisir, parce qu'aujourd'hui en France, il y a un vrai racisme qui s'est installé et qui fout le bordel. D'ailleurs, j'avais dit toujours et j'avais toujours prévu qu'Alain Soral n'était pas raciste, et les gens aujourd'hui, vous avez la preuve. Et deuxièmement aussi, c'est que aujourd'hui, il faut se battre contre le racisme. Le racisme aujourd'hui en France, c'est un cancer, c'est un handicap pour le grand pays, la France. Voilà, alors c'est toi, tu voulais parler, tu voulais répondre à Frédéric dans l'évier. Non, je voulais un peu abonder dans son sens. Normal, il y a un dicton qui dit qu'on aime pour la beauté, on craint pour la force et on respecte pour la sagesse. Et en réalité, il y a beaucoup de gens, et c'est les gens souvent assez primitifs, assez simplets, qui confondent, parce qu'ils ne peuvent pas obtenir le respect par la sagesse, parce qu'ils n'en seront jamais dotés, ils ne peuvent que confondre la crainte et le respect. Alors je dis pas que Soral rentre forcément là-dedans, mais là, en tout cas, précisément, il s'est comporté typiquement comme ce genre de mec. C'est-à-dire, t'as un mec qui te respecte pas, qui ricane, bah, tu lui renvoies un ricanement au nez. Là, ça l'a touché en plein cœur, c'est vraiment bizarre, quoi. Enfin bon, apparemment, il était venu pour se bastonner. Ce qui est très étrange aussi, toi, tu disais que normalement, on garde son calme. Effectivement, et surtout, quelqu'un qui a pratiqué la boxe, apparemment pendant 30 ans, enfin pour moi je pense que vous connaissez tous ici, mais pour nos auditeurs qui savent pas, normalement quelqu'un qui maîtrise la boxe, puisqu'apparemment il est instructeur, n'a pas le droit d'utiliser ses poings avec autant de frivolité, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit peser, sous-peser, ça doit se faire en cas de légitime défense, et encore, ça doit pas être en légitime défense face à un Clément Méric, quoi. Ça doit être en légitime défense face à deux mecs, face à un mec qui a un tonfa. Enfin, c'est incroyable. Ils ont des lois restrictives, hein, les gens qui sont instructeurs de boxe. Donc là, justement, on parlait de virilité là-dessus, parce qu'il a mis en avant ce truc, la virilité, etc. Quand tu pratiques, parce que j'ai vu ça sur l'internet. Des gogoles qui commentent et qui prenaient ça pour de la virilité. Mais attends, effectivement, c'est-à-dire quand tu pratiques un art martial, et les gens qui connaissent, les gens qui pratiquent vraiment à fond les arts martiaux, savent que les gens qui pratiquent les arts martiaux enfin, sont parmi les gens les plus calmes, en fait, parce que c'est des gens qui se maîtrisent énormément. Ils ont une très grande maîtrise d'eux-mêmes, ils ont fait un gros travail sur eux-mêmes, ils maîtrisent leurs nerfs énormément, ils comprennent leurs forces qu'ils ont acquis au fil des années. Ils savent qu'ils arrivent face à des gens qui n'en ont pas, pas de technique, etc. Et ils vont faire, ils savent qu'ils peuvent faire beaucoup de casse en face. Et justement, tu fais ton boulot sur toi. Et c'est ça, le vrai défi de l'art martial, c'est pas tellement la force physique, ou la technique, c'est en fait un boulot sur toi où tu apprends à te maîtriser, à maîtriser tes nerfs, à maîtriser tes faiblesses. Et c'est tout l'inverse de l'utilisation d'une technique pour éclater un type comme Conversano qui, honnêtement, n'est pas venu là pour se battre. Et pire, sous le regard de tes gardes du corps. Je crois que ce qui rajoute encore à la médiocrité de cette affaire. J'enchaîne sur le troisième point. Je vais citer toujours sur Vincent Lapierre ce qu'il dit. Conversano ment sur la ligne d'ER, d'égalité et réconciliation, l'association d'Alain Soral. Il nous fait passer pour des faibles qui veulent la réconciliation avec les immigrés hostiles. C'est archi faux. Tous ceux qui suivent Conversano, et lui le premier, le savent. Beaucoup d'entre nous avons pris conscience de l'arnaque de l'immigration et de ses dangers grâce à Soral. EER est contre l'immigration, contre les racailles, et pour la remigration, c'est une évidence. Conversano caricature la ligne de ER pour se faire une place. La fameuse réconciliation des communautés consiste en une main tendue, chrétienne, moralement nécessaire, mais ce n'est en aucun cas un aveu de faiblesse ou une soumission. Tout le monde admet à EER que la France est blanche, catholique et qu'elle doit le rester, y compris des musulmans qui adhèrent à nos idées, et il y en a. Fulbert, tu voulais réagir? Oui, mais moi je ne connais pas ce monde-là. C'est quelque chose qui m'est assez étranger, même si j'ai vu le passage vidéo du combat, entre guillemets. Mais c'est quelque chose qui m'est presque étranger, je dois bien le reconnaître. Mais ça m'a paru à mes yeux de néophyte, ça m'a paru être vraiment un spectacle de grand guignol. Et ça ne valait pas plus. C'est l'impression que j'ai eue. Oui et non, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le passage en lui-même, c'est rien. Certains deux cons qui se foutent sur la gueule, et puis c'est tout. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a derrière, qu'on ne voit pas, et qui couvre depuis très longtemps. C'est ça qu'il faut voir, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'épisode en lui-même est presque anodin. C'est-à-dire que c'est deux coups de poing au coin d'une table, etc. Voilà. Oui, mais ça intervient à un moment précis, et ça intervient sur un plateau, ça intervient pas dans un bistrot, ça intervient pas à la fin d'une conférence, c'est filmé, etc. Et c'est là, précisément, que ça joue un rôle. Et en fait, il y avait derrière ça, et ça dépasse Conversano, attention, il faut bien comprendre le truc, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'il y a une pression qui monte face à la ligne Soral. Alors, j'ai entendu le propos de Vincent Lapierre, hein, sur lequel on va revenir, bien évidemment, qui d'ailleurs défend l'approche de R. Mais c'est pas du tout ce que comprennent les gens. Enfin, je veux dire, ce que comprennent en tout cas. C'est-à-dire que quand il dit ER est contre l'immigration, contre les racailles, pour la migration, c'est une évidence. Concrètement, qui est le premier à remercier Soral d'avoir castagné le méchant petit blanc raciste? Bah, c'est Morseille. C'est-à-dire, c'est le rappeur racailleux qui est là en train de parler de braquer et d'aller à la mosquée en même temps, quoi. C'est-à-dire que concrètement, qui c'est qui exulte après cette magistrale défense des bougnoules d'Alain Soral? Eh ben, c'est Morseille. Donc, oui, et puis tout... en plus, Soral a parlé d'incitation à la haine. C'est-à-dire qu'en fait, il parlait comme Jakubowicz. Exact. Il parlait comme Jakubowicz, Soral. Il était là, oui, là, de quel droit tu parles? Parce qu'il dit ça à un conversateur à un moment donné. Il dit, de quel droit tu dis qu'ils sont pas français, etc. Donc en fait, Soral... grand défenseur des Français de papier maintenant, c'est nouveau, c'est d'accord. Bah, c'est-à-dire que c'est une ligue antiraciste supplémentaire, c'est-à-dire que Soral, vraiment, pour le coup, et je crois qu'il dit, c'est une incitation à la haine raciale, je ne peux pas laisser passer ça. C'est-à-dire que, quelle différence entre Soral et une association antiraciste qui va... Je vais résumer, quelle différence entre Alain Soral et le JF? Oui, voilà. Sauf que Soral, lui, va défendre les musulmans plutôt que les juifs, quoi. Voilà. Hein, c'est ça la différence, en fait. Moi, là-dessus, je voudrais d'ailleurs reprendre un espèce de truc qu'on entend sans arrêt, qui revient, qui est en fait le logiciel que veulent nous imposer les gauchistes, qui est que la phobie mènerait à la volonté d'attaquer. La phobie, vous observerez dans votre quotidien, qu'elle amène à l'évitement. C'est-à-dire que quand tu n'aimes pas quelque chose, tu l'évites jusqu'à ce que cette chose te soit inévitable. C'est-à-dire qu'elle rentre chez toi, quoi. Et là, dans ce cas-là, tu vas dératiser, par exemple, si t'es ratophobe, quoi. Mais Ah ben oui, dératiser, c'est une bonne idée, ça, tiens. Oui, bon, alors, en fait, Derek, tu voulais parler de cette fameuse ligne EER que Vincent Lapierre dit être pour la France blanche et catholique. Je vais pas dire que c'est absent de leur discours sur leur site, ce serait malhonnête. Mais enfin bon, les positions d'Alain Soral, c'est quand même la France bougnoulique. On aime les musulmans, mes amis musulmans, ces musulmans qui ont vocation à voter Front National, etc. Hein, bon, c'est, voilà, hein. Ah oui, alors en fait, lui, ce qui... Oh. Astérix, non. Derek. Moi, je pensais que la ligne de Soral, c'était, tu sais, donc t'avais ce slogan, hein, gauche du travail, droite des valeurs. Donc voilà, les mecs qui viennent un petit peu du prolétariat. Les droitards catholiques, ok, puis il y avait aussi le côté réconciliation entre les blancs, en gros, et les métèques de l'autre. Et là, Soral, il nous a sorti, face à Conversano, qu'il n'y avait pas de réconciliation à avoir entre citoyens français, entre Français. Il n'y a pas de réconciliation à avoir entre citoyens français. Donc, en fait, on est tous pareils. Donc, fin du débat. Il n'y a rien à dire. Bah donc, et... quelque part, qu'est-ce qu'il fout là, Soral, quoi? Ouais, la question est posée, hein. Bah oui, non, oui. Là, il a perdu. C'est quand même... Enfin, moi, j'étais... C'est ça qui m'a le plus choqué, en gros, hein, dans ce qu'il a dit. Parce que, moi aussi, ouais. Ah oui, en gros, le mec t'explique depuis 10 ans que la tâche absolue en France, c'est la réconciliation nationale, comme il l'appelle, et le type te dit froidement, il n'y a pas de réconciliation à avoir puisque ce sont des Français comme vous et moi, n'est-ce voilà, pas? Voilà, voilà. Tu te dis, putain, mais 10 ans ça après, pour ça, quoi. 10 ans après, il te dit, en fait, il faut réconcilier l'Action française et le Parti communiste, quoi, c'est ça. Non, mais alors qu'il t'a parlé des musulmans pendant des années et qu'il va cogner Conversano parce qu'il a dit qu'il y en a marre de la France, quoi. Voilà, donc, voilà. Alors ça, moi, je veux y revenir parce que de tous ces débats publics qu'il a eus, et Dieu sait que Soral a eu affaire à des bougnoules agressifs qui lui crachaient à la gueule en mode FLN rageux face aux Blancs. Il s'est toujours cordialement tenu et a toujours évité d'en venir aux mains avec des maghrébins. Hein. Voilà. Je précise, lors d'un débat public, devant son public de Bamboula. Et par contre, le seul Blanc qui dit, enfin, qui rencontre et qui dit « il y en a marre des bougnoules et des nègres », tu vois, en gros, là, Soral ne se sent plus... va protéger comme une mère ses enfants, l'arabe outragé, et fout une droite à Conversano qui, au surplus, ne sait pas se battre, et en tout cas, était certainement pas venu pour ça, quoi. De qui se fout-on? Bah, c'est-à-dire que Soral, en gros, quand il se retrouve face à un mec comme Attali, hein, qui, lui, concrètement, qu'on peut accuser d'avoir été au pouvoir, d'avoir élaboré... Voilà, d'avoir détruit la France de 1000 façons avec ses conseils à la présidence, son influence, etc. Là, qu'est-ce qu'il fait Soral? Eh ben, il sourit, il prend un selfie, ce petit con. Eh ben voilà. Oui, non, mais t'as aussi c'est ça. Grand, mais t'as aussi le. J'ai souvenir hein, d'un débat qu'il avait eu avec une espèce d'arabe absolument abominable qui avait une gueule de chacal, quoi. Le type, putain, il sentait le meurtre. C'est-à-dire qu'il devait bouffer des cadavres la nuit, tu sais, tellement il avait une gueule dégueulasse. Et donc, il relit sur Soral, et puis Soral, donc, il répondait hein, de manière ouais, un peu proportionnée, mais il n'a jamais, il est jamais allé lever la main sur cet arabe de merde. Non, mais attends, il y a plusieurs témoignages de mecs qui, dans des conférences et tout, en marge de conférences, mais Soral s'est retrouvé face à des maghrébins ultra agressifs, etc., où les mecs menaçaient carrément Soral des fois. Se comportait de façon hallucinante, Soral fermait sa gueule. Bah oui, non, mais c'est-à-dire que le courage à la Soral, n'est-ce pas, le courage chevalier bayard, français sans peur, chrétien sans reproche, tu vois, c'est d'aller taper sur le petit blanc qui dit il y en a marre des arabes, et effectivement, par contre, quand il est face à des arabes agressifs, là, il n'est plus question de respect, il n'y a pas de problème, on sait se tenir, mettre du logo. Logos, etc. Donc en réalité, Soral, il l'a dit ça, hein, tu vois, il fait le contraire de ce qu'il dit, c'est-à-dire hein, fort avec les faibles, faible avec les forts, hein, voilà. Et donc quand il est face à des Arabes agressifs, quand il est face à Attali, etc., il ferme bien sa gueule et il sourit, tu vois, il fait bien la grosse fiotte. Et par contre, quand il a face à un petit blanc qui a le malheur de dire qu'effectivement, hein, les bougnoules et les nègres, ça commence à faire chier. Il y en a alors là, marre qui viole nos filles. Ah ouais, non mais. Voilà, etc. Voilà, bon. Là, il ne se contient plus. Il faut qu'il venge l'honneur des pauvres bougnoules. Mais versez une larme, mes amis. Bref, il sait. Pour moi, c'est cette réaction, c'est vis-à-vis du public européen, c'est-à-dire des blancs, qui ne sont pas totalement des bolos. Qui ont envie de se convertir à l'islam, c'est un suicide. Point à la ligne. Ouais, voilà, ça, je suis d'accord. C'est l'aveu final de Soral. C'est autant avant, tu vois, il jouait sur tous les tableaux comme Vincent Lapierre, plus ou moins avec sa casuistique là. Mais alors là, lui, c'est-à-dire qu'il peut pas dire oui, j'avais mal compris, je ne sais pas, etc. Parce que c'est pas des mots. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que ça dépasse juste le cadre de la RICS. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Conversano qui sort son propos, qui était assez articulé, qui, enfin, dans cette phase-là, là, dans ces quelques secondes, ces dizaines de secondes, assez articulé. Et puis, à la fin, il lève la voix. Mais putain, la France est un pays où il y a des gens qui se sont fait massacrer par des sales crouilles. Il y a quelques mois. Le 14 juillet. Je sais pas s'il y a des Français qui sont patriotes en France. Le 14 juillet, il y a un putain de maghrébin qui a roulé au camion sur des familles. Quelques mois plus tard, tu as un mec qui s'appelle Conversano, il est comme il est. Le mec dit, il y en a plein le cul des bougnoules. Il le dit comme il le pense et comme le pensent des millions de Français. Et il le dit comme il le dit. Et c'est là que Soral pète un câble et lui fout une droite. Putain, mais ça, c'est un suicide politique. Bah oui, et non, c'est pour ça que ça va beaucoup plus... C'est beaucoup plus France, large, en fait, que juste ça, histoire de concours partout, de bites entre les deux cocos, là. C'est partout. On a eu en France, nous, donc les attentats. En Allemagne, là, il y a eu l'année dernière les viols de masse à Cologne. En Angleterre, il y a eu les Asiatiques avec des grosses guillemets, là, qui ont... Quand on en parlait tout à l'heure avec le trafic de jeunes filles hein, de Rotterdam. Voilà, les métèques, il y en a marre un petit peu partout dans les pays blancs. Hein. Donc, ouais, là, le Soral, là, bon. Bah, il là, est juste. Soral, il sait pas jouer au tir, ouais. Moi, je vais te le dire. Non, mais Soral réagit comme ça parce qu'il se rend compte face à Conversano qui gueule, effectivement, qui lève la voix. Mais Soral est mis face au fait qu'il est has-been. C'est-à-dire que son discours n'est plus pertinent. Voilà, il est en perte de vitesse, il sait très bien qu'il est en train de perdre et que, en fait, sa réconciliation, en gros, plus personne n'en veut. Je veux dire, il y a même des gens, j'ai vu des youtubeurs faire des vidéos pour expliquer, et des gens qui avaient l'air, limite un peu gauchias, etc., pour expliquer que, après Charlie Hebdo, après les attentats de Nice, après le Bataclan, etc., la réconciliation s'était finie parce que, ni d'un côté, ni de l'autre, ni du côté des Blancs, ni du côté des Arabes, soi-disant patriotes, FN, je ne sais pas quoi, qui, de toute façon, tout ça, c'est un rêve. Hein. C'est-à-dire, il y en a trois dans la France entière, hein, ou dix. Bon, que ni d'un côté, ni de l'autre, il y avait vraiment une volonté de réconciliation. C'était fini. Donc, Soral est mis face à face au fait que sa ligne est has-been. C'est évident, ça crie à la gueule de tout le monde. Et là, il ne peut plus se contenir. Et c'est un aveu de défaite, tout simplement. Le postulat de Soral, c'est que la guerre civile doit être évitée à tout prix, ce qu'il faut reprendre depuis le départ. Tout son développement est basé sur ça. Donc déjà, des gens n'ont pas ce postulat de départ. C'est-à-dire que pour des gens, la guerre civile, bah, c'est... pourquoi pas. Lui dit que c'est toujours un moment où tu perds les meilleurs, où la nation, où la patrie est saignée, où la patrie est machin. Ça se défend. Donc en partant de ce postulat, après moi j'y trouve encore des incohérences. Et d'ailleurs, je crois que lui-même se met à réfléchir de plus en plus à comment il va sortir de ses incohérences. Entre autres, grâce à la visibilité de mecs comme Conversano, qui en un an, deux ans, font quasiment le quart de ce que fait en vue Soral, qui est là depuis 10 ans, et puis qui est un poids lourd, en plus, de la parole publique. Quoi. Donc, ça doit l'étonner, et je pense qu'il se rend compte, à travers aussi les questions que lui posent les gens, les remarques que lui font les gens, que sa ligne devient intenable. Donc là, je crois qu'il va s'orienter sur, en fait, une distinction de la population maghrébine. Je pense qu'il va vendre la remigration de plus en plus et qu'en fait, il va dire de plus en plus que c'est une espèce de réconciliation de principe, c'est-à-dire c'est une réconciliation basée sur une morale que moi je trouve pour le coup valable, qui est qu'en gros, ceux qui nous aideront à reprendre les rênes de notre pays et à faire que ce pays soit de nouveau sous l'influence des Européens et sous l'influence des Français blancs, ces gens-là, en gros, mériteront de rester parce qu'ils auront prouvé leur amour pour la France blanche, la France éternelle, charnelle. Donc, je pense qu'il va s'orienter de plus en plus vers un truc comme ça parce qu'il se rend compte que les discours conversaniens. Mais c'est ce qu'il dit. Le problème, c'est ce qu'il dit. Il dit voilà, il y a de la racaille, mais il y a des maghrébins qui se tiennent bien, etc. Mais je veux dire, bon. C'est un discours qui se tient, etc. Enfin, c'est un discours qui se tient. Je m'entends. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire que c'est un discours qui a sa cohérence à lui, mais que je considère comme insoutenable. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que les Arabes respectables, en première ligne, il y a quand même Morsay, quoi. Donc. Ben, le problème, si tu veux, c'est que le mec, il dit « Ouais, mais il y en a des biens, etc. Mais mon pauvre garçon, mon pauvre garçon, mon est-ce pauvre que garçon... » Ouais. Est-ce que les biens iront dénoncer Mais non, mais on s'en tape, bien, je veux dire, on s'en donc, tape, je veux dire... Non, mais c'est des mecs, c'est des mecs, tu vois, c'est des types, tu vois, ils vont te... C'est toujours pareil, quoi. Les mecs essayent d'établir des règles générales avec des exceptions. Comment veux-tu raisonner comme ça? Comment veux-tu raisonner comme ça? Moi, ce que je dis un truc assez simple. Je ne sais pas ce que les Français feront. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Et comment dire, moi, j'ai mon avis sur le sujet, mais je ne sais pas ce qu'ils feront. Voilà. Ils vont se démerder, ils sont grands. Mais ce que je peux dire, c'est que les Algériens, en 62, ils n'ont pas fait le détail. Et je n'entends pas Soral chialer matin, midi et soir en disant « Mon Dieu, les Algériens sont des salopards finis parce qu'ils ont viré je ne sais pas combien de millions d'Européens d'Afrique du Nord ». On n'en entend jamais parler, ni dans la presse de gauche, ni chez, comment dirais-je, chez Nora, ni chez Soral. Tout le monde s'en fout. Tout le monde a passé ces gens-là par part et profit. Et on doit comment dire, avoir des états d'âme, des vapeurs, parce que machin, parce que Toufik, parce que Karim, parce que machin. Moi, j'en ai rien à branler. Autant que je puisse en parler pour mon... Alors, pour moi, ce que je considère comme mon pays, voilà, moi je vais vous le dire très clairement, dire, ils se barrent tous. Ils se barrent tous. Je m'en fous du reste. Je m'en fous des détails. Je me fous des détails. Ils ont épousé Tartampion, etc. Bah, ça dégage avec, c'est tout. Voilà. C'est triste, c'est comme ça. Et oui, bah, c'était triste aussi pour les Allemands. 8 millions d'Allemands déplacés en 1945. Bon, qui chiale sur leur sort, tout le monde s'en fout. Okay bon, des déplacements de population. Des déplacements de population, il y en a eu tout le temps au cours de l'histoire. Les Grecs se sont fait virer de Turquie en 1920-21, 22-23, je sais plus exactement. On n'en entend jamais parler. Bon, voilà. Alors moi, les métèques qu'il y a en Europe, ils vont tous partir jusqu'au dernier, tous. C'est vrai, ça leur plaît, ça leur plaît pas, c'est le même tarif. Et d'autant plus que, qu'on a un exemple. On annonce quelque chose, et là, moi, je partage absolument l'avis de Soral. C'est-à-dire que c'est de la stratégie de guerre de base. On annonce quelque chose quand on a les moyens de l'appliquer. Alors là, je ne veux même pas entendre parler de ces stupidités. C'est-à-dire que si tu ne te fixes aucun objectif, c'est fini. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu parles d'avoir les moyens de l'appliquer, mais les moyens de l'appliquer, c'est quoi? C'est tout simplement une volonté collective. Et pour arriver à une volonté collective, eh ben, il faut des discours comme celui de Conversano, pas comme celui de Soral, c'est tout. Donc si tu veux effectivement te donner les moyens d'appliquer la remigration, bah, il faut qu'il y ait des discours comme celui de Conversano, c'est tout, ou comme le nôtre. Mais surtout que Conversano, ce n'est pas de ce discours-là qui tient. Conversano, lui, il tient un discours de séparation, et moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, là où il y a une incohérence dans le discours de Soral, c'est qu'il dit qu'en gros, la séparation mènerait à la guerre, et lui, il est pour un espèce de truc d'assimilation. Or, il dit en même temps que le métissage, c'est satanique, c'est de la merde. Bah, alors, comment on fait avec 10 millions d'extra-européens? Donc là-dessus, Soral a une grosse incohérence. Moi, je suis pas du tout pour la guerre, annoncer des choses que j'ai pas les moyens d'assumer. Donc moi, je suis pas du tout pour une guerre civile, tout ça. Par contre, une guerre défensive, c'est-à-dire s'armer pour ne pas se faire agresser, s'armer légalement comme le recommande Conversano, et de séparation, c'est-à-dire d'organisation en dehors de ces grandes métropoles multiculturelles et tout ça, avec des centres. Je vais revenir sur ce qu'a dit Astérix par rapport au fait de tenir un discours que quand tu as les moyens qui sont en présence pour arriver à tes fins. On a le contre-exemple parfait à ce que tu dis avec Donald Trump. Hein. Donald Trump, ça a toujours été la théorie de la vérité hyperbolique, hein, comme il l'appelle, pour arriver à ses fins, quoi. C'est-à-dire, c'est jamais quelque chose, tu vois, qui est totalement objectif. On est dans la subjectivité. Et puis on en fait des caisses pour arriver finalement à un but qui est intermédiaire, mais qui est peut-être celui-ci qu'on visait initialement. Je crois que ça a été traduit comme ça aussi par des types de l'alt-right, hein, Frédéric, dans la vie, C'est la théorie de la fenêtre d'Overton. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à un résultat de droite, il faut viser l'extrême droite. Voilà, c'est tout. Et l'extrême droite dure. Et comme ça, les idées de droite, peut-être un petit peu moins extrêmes, se normalise, Et il y a effectivement une volonté collective de les appliquer. Et c'est à partir de là qu'on arrive à la possibilité d'appliquer des choses. C'est un ayant des extrêmes dans ce cas-là, dans le cadre propagandiste, je comprends le truc. Alors moi, je veux revenir sur cette histoire sur cette espèce de guimauve mentale incapacitante servie par Soral depuis 10 ans, probablement le truc que je lui reprocherais le plus à titre personnel, cette espèce de mythification de la guerre civile. Alors, Soral ne connaît certainement pas le drame en histoire, puisque, comment dirais-je, toute la littérature est faite, précisément, de la fatalité. Et de la violence. Et pas de l'exaltation de la violence. C'est du retour perpétuel de la violence. Donc, quand quelqu'un vous dit « Oh non, surtout pas la guerre, surtout pas la guerre, surtout pas la violence, etc. », il parle comme un gauchiste de base, comme un hippie des années 60. C'est-à-dire que de faire du pacifisme... Attends. De faire du pacifisme un système politique. Pas de bol, comment dirais-je, l'histoire humaine est cadencée de moments de paix et de moments de guerre, et la guerre est parfois parfaitement légitime et justifiée. J'ai pas entendu Soral vitupérer sur le fait que les soviétiques avaient eu l'audace de résister à l'invasion allemande en 1941. J'ai pas entendu parler de ça. Non, mais laisse-moi parler là-dessus. Et ce qu'il est en train de nous raconter, il dit « Oui, mais il faut surtout pas la guerre, parce que vous comprenez bien, ça va nous... » Mais attends, de quoi parle-t-on là ? L'Occident est envahi de métèques agressifs qui veulent détruire notre civilisation et qui haïssent les Blancs pour ce qu'ils sont. Point à la ligne. Les seuls racistes qui se trouvent... Attends, on est chez nous. C'est nous les colonisés. Faut pas se gourer. C'est nous les colonisés. On n'a rien demandé à personne. On est des petits Blancs à la con qui vivions dans nos bleds, à qui on n'a rien demandé. On se tape une immigration de masse. Moi, j'ai pas envie de me réconcilier avec Toufik et Mohamed ou Mamadou. Je veux les foutre en dehors de mon village, de mon département, de ma région. Je veux leur botter le cul hors de chez moi. Après, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Attends, mais laisse-moi finir. Je veux les foutre dehors. Parce qu'ils n'ont rien à foutre chez moi. C'est tout. Oui. Et maintenant, pour entrer dans le détail du truc, cette espèce de criminalisation de la résistance face à une agression massive, historique, caractérisée, confine à la trahison. Moi, c'est un discours. Les Espagnols, entre le 8e et le 15e siècle, ils ont résisté à l'invasion des bougnoules et des musulmans. Et que ce soit les Autrichiens durant les sièges de Vienne, ils ont résisté à l'invasion turque, mahométane. Ils ne sont pas posés de questions, machin, truc. Ouais, mais on va trouver un système de coexistence, machin. C'est un truc de fiotte, psychologiquement. Bah, c'est un discours castrateur. C'est un discours castrateur, voilà, qui ne sert qu'à neutraliser les éventuelles volontés de résistance. Et c'est tout. Et Soral peut nous la rejouer, parce que je sais très bien le genre de réponse à ça. Ça va être « Oui, mais qui a organisé l'immigration ? Qui ?» Bon, on d'accord. S'en tape. Mais oui, voilà, c'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau, c'est des questions de quantitatives. C'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau, que ce soit un tel ou un tel qui ait favorisé l'immigration, de toute façon, ça n'enlève rien au fait que les bougnoules, que les nègres présents sur le territoire français sont des adultes, que ce sont des adultes responsables qui font le choix de venir ici, qui sont des gens agressifs et insupportables dans leur extrême majorité, et c'est pas les trois boucaques à lunettes de chez Égalité et Réconciliation qui vont nous démontrer le contraire, ou les quelques métèques en salle de sport qui vont nous faire apprécier le gros des troupes qui est tout bonnement insupportable au quotidien. Voilà. Et donc, ça n'est pas, comme tu le disais, en se basant sur des histoires d'exception que tu effaces le fait que ces gens doivent simplement s'en aller et que prétendre qu'il y a une réconciliation à effectuer avec des masses, voilà. Non, on ne veut pas de réconciliation avec une quelconque masse étrangère. C'est impossible, ça n'est même pas souhaitable. Et la question des minorités et des exceptions, c'est quelque chose qui se traite de toute façon au cas par cas. Donc ça n'a pas lieu de provoquer comme ça des, voilà, des, comme tu dis, des vapeurs, de s'arrêter pour se demander si peut-être, etc. Non, on traite, quand on parle de politique, avec des groupes larges, etc., etc. On ne s'arrête pas, on n'est pas incapacité par des exceptions, par ton pote Momo à lunettes, ou par, je sais pas moi, le nègre pâtissier de l'année, quoi. C'est complètement ridicule. non, mais d'accord avec tout ça. Simplement, c'est pas uniquement la guerre civile, se priver de guerre civile pour se priver de guerre civile dans l'absolu. C'est-à-dire, c'est se priver d'une guerre que qu'on est sûr de perdre. En réalité, le constat aujourd'hui, c'est que la police est contre nous. La police est contre nous, l'armée est contre nous, tu vois. Attends. Oula, moi j'arrête ça tout de suite, là. Une guerre qu'on est sûr de perdre, c'est... Attends. C'est une escroquerie. Pourquoi ? Je vais vous dire un truc simple. Le mec, il parlait de guerre civile et le mec, il fantasme, était Kalachnikov. Mais putain, mais c'est plus simple que ça. Tous ces cons de nègres et de bougnous, là. Ils cultivent un champ en France ? Mais vous fermez les supermarchés dans leur bled à la con. Ils crèvent la dalle, les mecs. Si tu leur dis, voilà, maintenant, il n'y a plus... ravitaillement terminé. CAF terminé. Subvention terminée. Logement terminé. Par contre, billets offerts gratos direction l'Afrique. Qu'est-ce que tu choisis ? La famine ou bien le retour chez toi ? Tout à fait d'accord. Mais ça, non, mais ça se termine comme ça. Mais je veux dire, c'est gens... Mais c'est... Attends, mais de s'imaginer que les types sont des espèces de guerriers complets. Mais non, mais ce sont des larves. Mais les mecs, ils sont au shit. Ils sont au shit et au RSA. Non, attends, laisse-moi finir, Fredo. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis simplement qu'aujourd'hui, idéologiquement, on est très loin d'avoir gagné, qu'aujourd'hui, les instances, la police, les colonels, tout ça, sont contre nous, toutes les opérations qu'ils mènent à chaque fois sont contre nous. Donc, aujourd'hui, c'est une guerre qu'on n'a pas les moyens, aujourd'hui, de gagner. Mais dans l'absolu, évidemment que si on gagne idéologiquement, après, c'est une joke, c'est plus rien, quoi. Ça se fait en trois jours. Et pour gagner idéologiquement, tu le fais, pour gagner idéologiquement, Astérix. Tu le fais avec quel discours ? Avec celui de Soral qui te dit d'attendre, de croupir dans ta merde gentiment, ou avec celui de Conversano, concrètement ? Il y a plusieurs discours possibles. Je pense que tous les chemins mènent à la même chose. Le discours politiquement et militairement, il n'y a qu'un seul discours, c'est de désigner l'ennemi clairement. Ça a toujours été comme ça, ça ne changera jamais. Donc, et généralement, l'ennemi a tendance à te désigner toi. Moi, il me semble que les halogènes, c'est-à-dire que ce soit les basanés de tout genre, et surtout les musulmans et surtout les nègres, nous disent clairement, chez nous, alors qu'ils pullulent grâce au pognon des Gaulois, me semble-t-il, et c'est vrai dans tous les pays blancs, qu'ils nous haïssent cordialement et qu'ils aimeraient bien nous voir crever. Bon, formidable. Dont acte. Voilà. Donc, ces gens-là, ils vont devoir assumer leurs propos, leurs projets. Ils ont été accueillis comme des princes. Éducation gratuite, logement... nourri, blanchi, logé, tout se passe bien. Le racisme des blancs, etc., c'est une énorme escroquerie. Il n'y a jamais une politique raciste en France ou en Allemagne ou ailleurs. Il n'y a pas de loi d'apartheid, etc. Les mecs se voient délivrer les nationalités, les passeports, tous les droits propres aux citoyens français. Ils nous crachent à la gueule, ils attaquent les flics, ils détruisent tout ce qui touche, etc. Et encore Soral vient nous voir et vient nous dire qu'on doit faire preuve de patience. Mais il ne faut pas nous prendre pour des cons, non. Non, mais je pense que tout simplement, nul n'est prophète en son pays. Et je pense que Soral devrait commencer à prêcher peut-être en Algérie. En Arabie Saoudite, peut-être, je ne sais pas. Soral, il faut juste qu'il change de pays, quoi. C'est tout, hein. Ah, mais en Algérie, il sera très bien reçu. Il sera reçu comme un... Oh là là, oh là. Je pense que... Ah, t'as tout compris, pas de bol, c'était en France. C'est con, tu vois. T'étais pas du... Encore que, tu vois, c'est marrant parce qu'avec Soral... Quand il est allé en Algérie, il a raconté son voyage là-bas. C'est marrant parce que, en fait, le type prophète. Mais c'est vrai, en fait, ce type est désespérément un beau français. C'est-à-dire que c'est désespérément un prof de gauche, en fait, Soral. Donc, en fait, il te bâtit un système de représentation, une explication du monde qu'il t'invite à partager, tu vois. Mais lui, en son fort intérieur, n'en a strictement rien à péter parce qu'il sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Et quand il va en Algérie, en fait, il y a plein de choses qui le choquent. Tu vois, la façon dont ils se comportent, etc., les restes, etc., de la France coloniale qui sont traités comme je sais pas quoi, enfin des anciennes cathédrales transformées en bibliothèques, je crois, etc. Le mec est outré, et en fait, il est outré à titre personnel. C'est-à-dire qu'il se dit, putain, ces types nous haïssent, en fait. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que le mec, à titre personnel, sait très bien que c'est de la chiasse en barre. Mais c'est d'abord et avant tout un Sartre de comptoir, Soral, c'est-à-dire qu'il te bâtit un monde qui n'existe pas depuis Paris, voilà, oh, c'est beau, etc., et sauf que tout le monde s'en bat les reins, et au quotidien, le prolo français, tu vois, le prolo blanc, expérimente une réalité qui est tout autre, ce qui fait que tout ce qu'a chié Soral depuis des années, tout le monde s'en bat les couilles, sauf les bougnoules, tu vois, qui, eux, essayent pareil, tu vois, sont des malins, ils essaient de sauver leur peau, de toujours faire un peu plus de blé avant de se prendre la ratonnade finale, et ils se disent, ah bah tiens, ce mec-là, c'est un bon client, c'est le meilleur avocat qu'on ait, parce que sans nous, on n'en a pas, de toute façon. Voilà. Et effectivement, donc Soral, la seule fonction qu'il aura jamais eue, c'est le Rachid Nekaz, tu vois, de leur LDJ à eux, voilà, c'est ça. Juste un petit point, j'aimerais quand même rappeler à nos auditeurs, même à nos participants ici, hein, le système ER et compagnie, ça nous a quand même créé des mecs qui, sur les réseaux sociaux, se baladent avec des profils, par exemple Facebook. Il s'appelle Lucien Rebatté Nabil, tu vois. Moi, quand je vois ça, je suis décomposé. Hein. Ça rejoint un petit peu. Et les mecs parlent vraiment comme des boucas, quoi. C'est-à-dire, pas de point, pas de virgule. Respect. Ni que les sionistes, tu vois. C'est... Ouais. Ah, putain. C'est un crachat sur. Ouais, c'est insupportable. Là, je suis. Ouais, effectivement. Là, ça rejoint le truc sur Céline. Ça pourrait nous amener sur Nab, d'ailleurs, qui était qui, dans le genre sale fiante qui mérite une droite dans la gueule pour le coup. Lui, c'est un bon client. Qui travestit Céline comme pas possible au profit de sa putain de météquitude de mes couilles. Cette espèce d'énorme merde de Nab qui justement, tu vois, prend en otage un mec comme Céline pour flatter son espèce de bougnoulitude au naturel, quoi. C'est insupportable. Et de voir du Rebatté validé par du Boukak, ça me troue le cul, tu vois. Et ça, c'est, merci Soral, voilà, merci Alain Soral, merci cette bande de tarés, d'avoir fait de génie littéraire, des cautions morales de ces putains de cancres mentaux qui pourrissent dans nos banlieues, qui pourrissent dans nos villes, qui insultent nos femmes, c'est odieux, c'est odieux. C'est vrai, moi je suis tout à fait, je connais très bien la catégorie dont tu viens de parler là, elle est massive, c'est une catégorie, mais vu que je connais aussi un peu les autres, je peux pas les exclure non plus. Il y a des gens qui posent aucun problème et qui sont en clash frontal avec ces gens-là, je veux dire, ils risquent leur peau, ils sont menacés, tout ça. Bon, il y en a quelques-uns, il y en a, comme le disait, dans l'évier, il y en a dans le sport, il y en a beaucoup, et puis même, il y en a dans partout. Moi, j'étais dans les milieux hospitaliers, il y a énormément d'infirmières, tout ça, qui sont bien braves, quoi. Mais bon, passons, cette catégorie existe, donc cette catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que le mensonge de Soral est énorme, c'est qu'il veut pas qu'on la fasse remigrer, soi-disant, parce qu'elle aurait des papiers français. Donc, faudrait faire quoi? Faudrait ouvrir 2 millions de places de prison? Parce qu'il y a 2 millions de racailles là en France, donc évidemment qu'il faut trouver des solutions, et comme tu le disais... Le sans compter existe. Ceux qui sont déjà en prison, hein, parce que voilà, hein, ça fait quand même beaucoup. Hein. Enfin, les prisons françaises sont assez fines, hein, genre, c'est pas l'Amérique, hein, c'est 60 000 tocards qui sont en tôle, les mecs sont tous en bracelet, ils prennent des photos avec leur smartphone payé avec la CAF ou avec le trafic de shit. Ils s'éclatent, etc. Ça va, hein. Je veux dire, c'est ils pas. Ils font des lives sur Periscope, hein. C'est pas l'application de la justice dans toute sa rigueur, comme quand t'es un putain de buraliste du Tarn, tu vois, qui veut calmer un enculé qui veut te faire les. Il veut essayer de te priver de ta retraite, quoi. Tu vois, c'est pas tout à fait le même régime, hein. Oui. Alors, il y a un truc qu'il faut un peu relever, c'est que Soral a dit dans l'un de ses essais. La maghrébisation, l'africanisation, la tiers-mondialisation de la France ont fait baisser vertigineusement le niveau de civisme et de civilité de la population française. Bon, c'est un euphémisme, mais bon, il a quand même tiré un certain constat, mais ce qu'il appelle le suprémacisme de Conversano, c'est quand même relativement gentil. C'est-à-dire que qu'est-ce que souhaite Conversano? Que les Européens se découvrent une conscience, on va dire, communautaire européenne, transnationale, et le mouvement de population des Blancs, il se fait en dehors de leur pays actuellement, ou en dehors des régions, de la région parisienne. Enfin, c'est le fameux white flight. Et rien que le fait de vouloir se défendre face à ça, c'est du suprémacisme, c'est du racisme. Et Soral, qui en fait, avec Dieudonné, ont fait une magnifique OPA sur l'antiracisme et sur toutes les populations qui étaient la chasse gardée du Parti socialiste et des associations antiracistes, bah, il pète un plomb. Ça lui plaît plus parce que égalité et réconciliation, en fait, ce n'est pas la réconciliation dans les deux sens. Ce n'est pas deux mains qui vont se croiser et qui vont serrer la main dans une optique d'apaisement. Égalité et réconciliation, c'est acceptons la population des Maghrébins et des Africains parce qu'au fond, on sait jamais. Ils pourront peut-être devenir des Français, ils pourront peut-être devenir des agrégés de grammaire, on sait jamais. Hein. Il faut que les Français fassent des efforts, qu'ils fassent des sacrifices encore plus qu'ils en ont déjà fait, ce qui est totalement impossible. C'est une attitude de femelle, quoi. C'est-à-dire que c'est une attitude défensive. Tu te soumets, t'essayes de trouver des aménagements, alors que il faut partir à l'offensive. Il faut dire, c'est quoi cette histoire de suprémacisme? Tu veux être chez toi, maître chez toi sur la terre de tes ancêtres? T'es un suprémaciste? Mais putain, mais rien d'utiliser un mot comme ça quand t'es sur la terre de tes ancêtres depuis des millénaires, mais rien qu'un truc comme ça, ça mériterait quelque chose de mignon, tu vois. Rien que l'utilisation d'un truc comme ça, tu vois. C'est déjà admettre l'occupation. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est victime d'une colonisation, on est violenté, écrasé, on se fait insulter, et t'as encore des enculés qui te disent que quand tu te défends, t'es un suprémaciste. Soral va te faire enculer par tes nègres. Non, mais c'est qu'en fait, Fred, j'avais vu une vidéo du fameux Frédéric dans l'évier. Où il insistait sur le côté vieux con, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que je pense qu'il n'est pas au courant des chiffres. Il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, il y a 10 millions d'extra-européens en France, quoi. Et il ne voit pas des capitales comme Stockholm, que moi j'ai vu. Enfin, je pense qu'il les voit, mais il ne doit pas faire attention à ça. Quand il est à Stockholm, il doit plutôt être branché sur le cul des Suédoises et pas trop faire gaffe à la banlieue de Stockholm. Il doit flâner en plein centre. Moi, je connais la banlieue de Stockholm, je connais la banlieue d'Helsinki, je connais la banlieue de Londres, je connais la banlieue d'Amsterdam. Ça va très mal. Ça va très, très mal de partout. Et je pense que lui vit dans des chiffres, parce que c'est là qu'il peut, à la rigueur, y avoir une discussion avec ces gens-là, avec les gens d'égalité et réconciliation. C'est dire qu'il y a plusieurs catégories et qu'on se comporte différemment avec certaines catégories, mais il faudrait déjà que ces gens-là admettent que la remigration est possible. C'est-à-dire qu'en admettant qu'il y ait trois catégories de maghrébins, par exemple. Ils vont partir volontairement parce qu'on va gentiment leur envoyer une lettre à la maison. C'est pour ça que Soral a réagi comme ça. C'est que Conversano, en réalité, l'a mouché verbalement sur le fait que c'était un bourgeois. Et en fait, c'est ça, la deuxième frappe, n'est-ce pas? C'est après que Conversano ait bien rappelé que Soral, effectivement, quand il est à Paris, il est à Saint-Germain, ou alors il est à Bayonne, ou je ne sais plus où, enfin, non, bref. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est-à-dire, il construit des idées sur les Arabes, sur les Nègres, voilà, en se basant sur ses amis de salle de sport, en se basant sur ses quelques boucaques à lunettes qu'il fréquente réellement. Et ce que se tape au quotidien le prolo blanc, il ne sait pas ce que c'est. Il va te raconter des histoires, des mensonges, de la merde, pour faire comme si, voilà, il avait vécu, etc. Alors que c'est quelqu'un qui a toujours traîné dans les milieux mondains parisiens, hein, qui a toujours voulu, comme il le raconte, échapper au salariat. C'est-à-dire, bon, en fait, quand il dit échapper au salariat, c'est-à-dire faire un travail réellement pénible et réellement productif. Il a toujours voulu faire le kéké, hein, et vivre de je ne sais quoi, enfin, vivre de clash, de coups de pub, etc. Enfin, c'était un pubard, hein, à la base. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et effectivement, c'est un vieux con. C'est un vieux con qui n'a aucune idée de ce que se tape au quotidien les prolos blancs, et qui postule, qui pérore du haut de son appartement, c'est son canapé rouge. Et c'est pour ça qu'il pète les plombs quand Conversano le traite de bourgeois. C'est pas parce qu'on lui manque de respect ou je ne sais quoi. C'est parce que Conversano a raison. Conversano a raison. C'est tout. C'est quelqu'un qui, effectivement, a accumulé, qui s'est fait une place, hein. Il faut quand même noter que Soral a grandi dans une France bien blanche. hein, où il a pu effectivement voilà, se faire ses petits réseaux. Il est allé, voilà, c'est un ancien élève de Stan, n'est-ce pas, hein. Donc il a pu se faire sa petite place de merde. Et maintenant qu'il a ses petits, voilà, sa petite association, son petit pécule, sa petite moto, hein, voilà, se faire construire sa maison en matériaux nobles et tout le bordel. Maintenant qu'il peut choisir ses vêtements, eh ben, il se permet de vomir. D'ailleurs, il les a toujours méprisés sur les petits blancs identitaires qui, effectivement, en ont juste ras le cul des bougnoules et des nègres et qui veulent vivre tranquillement entre eux dans leur pays. Voilà. Donc, c'est, de toute façon, c'est une merde sur tellement de plans que, enfin, on pourrait y passer la journée. Voilà. En fait, alors, chers amis, ouais, non, on va boucler l'émission là. Je suis gentil, grand seigneur, je vous accorde un dernier mot assez court, et ensuite on se retrouvera la semaine prochaine. Astérix. Ah bah écoutez, à la semaine prochaine, les amis. Hein, ça sera bon, ça vraiment, c'est court. Bah, je voulais quand même rappeler, enfin voilà, si on peut conclure là-dessus, je crois qu'on peut dire que maintenant c'est clair. Égalité et réconciliation, c'est juste la LDJ musulmane. C'est la LDJ pour les bougnoules. Voilà, c'est clair, c'est signé, c'est acté. Sachent à quoi s'en tenir. Avec Soral qui t'incite à la haine et tout, oui, voilà. Jakubowicz musulman, machin, au revoir, hein. Salut. Hein. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Derek, tu veux un dernier mot sur le sujet ? Oui, j'ai vu passer le message de Soral, je crois qu'il a posté ça sur Facebook, comme quoi. Il avoue à demi-mot s'être loupé au niveau rhétorique, quoi, hein, face à conversation. Ah quel sens, quel flair. Ouais, donc voilà, donc ça sent un petit peu la fin, quoi. Hein, bon, moi, j'ai pas d'animosité particulière envers lui, hein, je vous le dis, mais je suis pas d'accord avec lui. Et lui, je pense qu'il a compris qu'il était totalement à côté de ses pompes. Oui, ça sera juste mon dernier mot, Gandalf, en fait. Je sais que c'était un peu court pour aller abonder dans le sens de Derek. Moi, je l'invite juste à changer tranquillement, doucement de ligne, sans perdre sa dignité, mais à comprendre qu'il a posé des fausses bases, comme par exemple que la rémigration ne serait pas possible, qu'on ne fait pas remigrer des gens, ce qui est faux. Un projet politique peut tout à fait faire remigrer des gens. Donc, qu'il change doucement, mais sûrement... Il n'y a rien d'autre pour lui, c'est la seule issue. Oui, coucher Soral, hein, voilà. Oui, voilà, c'est ça, exactement, c'est-à-dire coucher Soral. Ouf, coucher, c'est bon. C'est bon. Non, ça je tiens à le dire tout de suite, avant de conclure, ça sera mon mot de la fin à moi. Les propos de Soral sur Dantec m'ont toujours fait dégueuler, et quand Dantec est mort, la façon dont Soral a parlé d'Antec m'a juste filé la gerbe modèle géant. Et Soral, honnêtement, au plan humain, tu vois, tu pars de je sais pas quoi, de chevalerie. Écoute, tu vois, d'Antec, il s'est peut-être planté sur 2-3 trucs, tu vois. Mais le mec a une classe que t'auras jamais. Donc, retourne te faire lécher les couilles par des clébards. Retourne pomper le nœud à des bougnoules. Retourne te faire sucer... dans des backrooms à Paris, parce que moi j'ai mes sources, hein. Salut, voilà. À la semaine prochaine. On se passe bien de toi.